le livre de l'Exode. Voici les noms des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob et qui y entrèrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Tous ceux qui étaient sortis de Jacob étaient donc en tout 70 personnes. Or Joseph était en Égypte. Et après sa mort, et celle de tous ses frères et de toute cette génération, les enfants d'Israël s'accrurent et se multiplièrent extraordinairement. Et étant devenus extrêmement forts, ils remplirent la contrée. Cependant, il s'éleva dans l'Égypte un roi nouveau, à qui Joseph était inconnu. Et il dit à son peuple, « Vous voyez que le peuple des enfants d'Israël est devenu très nombreux et qu'il est plus fort que nous. « Venez, opprimons-les avec sagesse, de peur qu'ils ne se multiplient encore davantage, et que si nous nous trouvons surpris de quelque guerre, ils ne se joignent à nos ennemis, et qu'après nous avoir vaincus, ils ne sortent de l'Égypte. » Il établit donc des intendants des travaux, afin qu'ils accablassent les Hébreux de corvée. Et ils bâtirent au Pharaon des villes pour servir de magasins, Phitom et Ramessès. Mais plus on les opprimait, plus leur nombre se multipliait et croissait. Or les Égyptiens haïssaient les enfants d'Israël, et ils les affligeaient en les insultant. Et ils leur rendaient la vie amère en les employant à des travaux pénibles de mortier et de briques, et à toutes sortes d'ouvrages agricoles dont ils étaient accablés. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes qui accouchaient les femmes des Hébreux, dont l'une se nommait Séphora et l'autre Phua. Et il leur fit ce commandement. « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, au moment où l'enfant naîtra, si c'est un enfant mâle, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes furent touchées de la crainte de Dieu et ne firent point ce que le roi d'Égypte leur avait commandé, mais elles conservèrent les enfants mâles. Le roi, les ayant donc fait venir, leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous épargné les enfants mâles ?» Elles lui répondirent « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme celles d'Égypte, car elles savent elles-mêmes comment il faut accoucher. Et avant que nous soyons venus les trouver, elles sont déjà accouchées. » Dieu fit don du bien à ces sages-femmes, et le peuple s'accrut et se fortifia extraordinairement. Et parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, il établit leur maison. Alors le Pharaon fit ce commandement à tout son peuple. « Jetez dans le fleuve tous les enfants mâles qui naîtront et ne réservez que les filles. » Quelque temps après, un homme de la maison de Lévi, ayant épousé une femme de la tribu, sa femme conçut et enfanta un fils, et voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois. Mais comme elle vit qu'elle ne pouvait plus tenir la chose secrète, elle prit un panier de joncs, et l'ayant enduit de bitume et de poix, elle mit dedans le petit enfant, l'exposa parmi les roseaux de la rive du fleuve, et fit tenir sa sœur à quelque distance pour voir ce qui arriverait. Or voici que la fille du Pharaon vint au fleuve pour se baigner, accompagnée de ses suivantes qui marchaient le long du bord de l'eau. Et, ayant aperçu ce panier parmi les roseaux, elle envoya une de ses filles qui le lui apporta. Elle l'ouvrit, et trouvant dedans ce petit enfant qui criait, elle fut touchée de compassion, et elle dit « C'est un des enfants des Hébreux ». La sœur de l'enfant, s'étant approchée, lui dit, « Vous plaît-il que je vous aille chercher une femme des Hébreux qui puisse nourrir ce petit enfant ?» Elle lui répondit « Allez !» La jeune fille s'en alla donc et fit venir sa mère. La fille du Pharaon lui dit « Prenez cet enfant et nourrissez-le-moi, et je vous en récompenserai. » La mère prit l'enfant et le nourrit, et lorsqu'il fut assez fort, elle le donna à la fille du Pharaon, qui l'adopta pour son fils et le nomma Moïse. « Car, disait-elle, je l'ai tiré de l'eau. » En ces jours, lorsque Moïse fut devenu grand, il sortit pour aller voir ses frères. Il vit leur affliction et un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et ne voyant personne auprès de lui, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Le lendemain, il trouva deux Hébreux qui se querellaient. Et il dit à celui qui outrageait l'autre, « Pourquoi frappez-vous votre frère ?» Cet homme répondit, « Qui vous a établi chef et juge sur nous ? Est-ce que vous voulez me tuer, comme vous avez tué hier un Égyptien ?» Moïse eut peur, et il dit, « Comment cela s'est-il découvert ?» Le Pharaon, en ayant été averti, cherchait à faire mourir Moïse. Mais celui-ci se cacha et s'enfuit au pays de Madian, où il s'arrêta, et s'assit près d'un puits. Or, le prêtre de Madian avait sept filles, qui, étant venues pour puiser de l'eau et en ayant rempli les canaux, voulaient faire boire les troupeaux de leur père. Mais des pasteurs, étant survenus, les chassèrent. Alors, Moïse, se levant et prenant la défense de ses filles, fit boire leurs brebis. Lorsqu'elles furent retournées chez Raguel, leur père, il leur dit « Pourquoi êtes-vous revenu plus tôt qu'à l'ordinaire ?» Et elles lui répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la violence des pasteurs, et il a même tiré de l'eau avec nous et a donné à boire à nos brebis. »« Où est-il ? » dit leur père. « Pourquoi avez-vous laissé aller cet homme ? Appelez-le, afin que nous le fassions manger. » Moïse lui jura donc qu'il demeurerait avec lui. Il épousa ensuite sa fille, qui s'appelait Séphora, et elle lui enfanta un fils, qu'il nomma Gersam, en disant « J'ai été voyageur dans une terre étrangère ». Elle eut encore un autre fils, qu'il nomma Eliezer, en disant « Le Dieu de mon père, qui est mon protecteur, m'a délivré de la main du Pharaon ». Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël, gémissant sous le poids des ouvrages qui les accablaient, poussèrent de grands cris. Et ces cris, que tirait d'eux l'excès de leurs travaux, s'élevèrent jusqu'à Dieu. Il entendit leurs gémissements, et il se souvint de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et le Seigneur regarda favorablement les enfants d'Israël, et il les reconnut pour son peuple. Cependant, Moïse conduisait les brebis de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et ayant mené son troupeau au fond du désert, il vint à la montagne de Dieu, nommée Horeb. Alors le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieu d'un buisson, et il voyait brûler le buisson sans qu'il fût consumé. Moïse dit donc, « Il faut que j'aille reconnaître quelle est cette merveille que je vois, et pourquoi ce buisson ne se consume point ?» Mais le Seigneur, le voyant venir pour considérer ce phénomène, l'appela du milieu du buisson et lui dit « Moïse, Moïse !» Il lui répondit « Me voici. » Et Dieu dit « N'approchez pas d'ici, ôtez vos souliers de vos pieds, parce que le lieu où vous êtes est une terre sainte. » Il dit encore « Je suis le Dieu de votre père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage parce qu'il n'osait regarder Dieu. Le Seigneur lui dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qu'il jette à cause de la dureté de ceux qui président aux travaux. Et, sachant quelle est sa douleur, Je suis descendu pour le délivrer des mains des Égyptiens et pour le faire passer de cette terre en une terre bonne et spacieuse, en une terre où coule le lait et le miel, au pays des Cananéens, des Hétéens, des Amoréens, des Phérézéens, des Évéens et des Jébuséens. Le cri des enfants d'Israël est donc venu jusqu'à moi. J'ai vu leur affliction et de quelle manière ils sont opprimés par les Égyptiens. Mais venez, et je vous enverrai vers le Pharaon, afin que vous fassiez sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je serai avec vous, et ceci sera pour vous le signe que c'est moi qui vous ai envoyé. Lorsque vous aurez tiré mon peuple de l'Égypte, vous offrirez à Dieu un sacrifice sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Mais s'ils me disent, « Quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Voici, ajouta-t-il, ce que vous direz aux enfants d'Israël, « Celui qui est m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Vous direz ceci aux enfants d'Israël, « Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, et voilà mon mémorial de génération en génération. Allez, assemblez les anciens d'Israël, et dites-leur, « Le Seigneur, le Dieu de vos pères, m'est apparu. » Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a dit, « Je suis venu vous visiter et j'ai vu tout ce qui vous est arrivé en Égypte. J'ai résolu de vous tirer de l'oppression des Égyptiens et de vous faire passer au pays des Cananéens, des Hétéens, des Amoréens, des Phérézéens, des Évéens et des Jébuséens, en une terre où coule le lait et le miel. » Ils écouteront votre voix, et vous irez, vous et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, nous a appelés. Nous sommes obligés d'aller à 3 jours de chemin dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu. Mais je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, s'il n'y est contraint par une main forte. J'étendrai donc ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'eux. Et après cela, il vous laissera aller. Et je ferai trouver grâce à ce peuple dans l'esprit des Égyptiens. Et lorsque vous partirez, vous ne sortirez pas les mains vides, mais chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeurera chez elle des vases d'or et d'argent et des vêtements dont vous habillerez vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez l'Égypte. » Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, « Le Seigneur ne vous a point apparu. » Dieu lui dit donc, « Que tenez-vous en votre main ?» Il répondit, « Une verge. » Le Seigneur ajouta, « Jetez-la à terre. » Moïse la jeta, et elle fut changée en serpent, de sorte que Moïse s'enfuit. Le Seigneur lui dit encore, « Étendez votre main, et prenez ce serpent par la queue. » Il étendit la main et le prit, et aussitôt la verge, changée en serpent, redevint verge. Le Seigneur ajouta, « J'ai fait ceci afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, vous est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Le Seigneur lui dit encore, « Mettez votre main dans votre sein. » Et l'ayant mise dans son sein, il l'en retira pleine d'une lèpre blanche comme la neige. « Remettez, dit le Seigneur, votre main dans votre sein. » Il la remit, et l'en retira toute semblable au reste de son corps. « S'ils ne vous croient pas, dit le Seigneur, et s'ils n'écoutent pas la voix du premier miracle, ils écouteront celle du second. Que s'ils ne croient point encore à ces deux miracles, et qu'ils n'écoutent point votre voix, prenez de l'eau du fleuve, répandez-la sur la terre, et tout ce que vous en aurez puisé sera changé en sang. » Moïse dit alors, « Ah Seigneur, je n'ai jamais eu la facilité de parler, et depuis que vous avez commencé à parler à votre serviteur, j'ai la langue encore moins libre et plus empêchée. » Le Seigneur lui répondit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Qui a formé le muet et le sourd, celui qui voit et celui qui est aveugle ? N'est-ce pas moi ? Allez donc, je serai dans votre bouche et je vous apprendrai ce que vous aurez à dire. » « Je vous prie, Seigneur, répartit Moïse, envoyez celui que vous devez envoyer. » Le Seigneur s'irrita contre Moïse et lui dit, « Je sais qu'Aaron, votre frère, le Lévite, s'exprime aisément. Il va venir au-devant de vous, et quand il vous verra, son cœur sera plein de joie. Parlez-lui, et mettez mes paroles dans sa bouche. Je serai dans votre bouche et dans la sienne, et je vous montrerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour vous au peuple, et il sera votre bouche, et vous le conduirez dans tout ce qui regarde Dieu. Prenez aussi cette verge en votre main, car c'est avec elle que vous ferez des miracles. » Moïse s'en alla donc, et retourna chez Jéthro, son beau-père. Et il lui dit, « Je m'en vais retrouver mes frères en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro lui dit, « Allez en paix. » Or le Seigneur dit à Moïse, lorsqu'il était encore en Madian, « Allez, retournez en Égypte, car ceux qui voulaient vous ôter la vie sont tous morts. » Moïse prit donc sa femme et ses fils, les mit sur un âne, et retourna en Égypte, portant à la main la verge de Dieu. Et le Seigneur lui dit lorsqu'il retournait en Égypte, « Ne manquez pas de faire devant le Pharaon tous les miracles que je vous ai donné le pouvoir de faire. J'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller mon peuple. Vous lui direz donc, « Voici ce que dit le Seigneur, Israël est mon fils aîné. Je vous ai dit, « Laissez aller mon fils, afin qu'il me rende le culte qui m'est dû, et vous n'avez point voulu le laisser aller. C'est pourquoi je tuerai votre fils aîné. » Moïse étant en chemin, le Seigneur se présenta à lui dans l'hôtellerie, et il voulait lui ôter la vie. Séphora prit aussitôt une pierre très aiguë et circoncit la chair de son fils. Et touchant les pieds de Moïse, elle dit, « Vous m'êtes un époux de sang. » Alors le Seigneur laissa Moïse, après qu'elle eût dit, « À cause de la circoncision, vous m'êtes un époux de sang. » Cependant, le Seigneur dit à Aaron, « Allez au désert au-devant de Moïse. » Et Aaron alla au-devant de lui sur la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse raconta à Aaron tout ce que le Seigneur lui avait dit en l'envoyant et les miracles qu'il lui avait ordonné de faire. Et, étant arrivés ensemble, ils firent assembler tous les anciens des enfants d'Israël. Et Aaron rapporta tout ce que le Seigneur avait dit à Moïse et fit des miracles devant le peuple. Et le peuple crut, et ils comprirent que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait regardé leur affliction. Et, se prosternant, ils l'adorèrent. Après cela, Moïse et Aaron vinrent trouver le Pharaon, et ils lui dirent, « Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laissez aller mon peuple, afin qu'il me sacrifie dans le désert. » Mais il répondit, « Qui est ce Seigneur, pour que je sois obligé d'écouter sa voix et de laisser sortir Israël ? Je ne connais point ce Seigneur, et je ne laisserai point sortir Israël. » Ils lui dirent encore, « Le Dieu des Hébreux nous a ordonné d'aller à 3 journées de chemin dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu de peur que nous ne soyons frappés de peste ou du glaive. » Le roi d'Égypte leur répondit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de leurs ouvrages? Allez à votre travail. » Le Pharaon dit encore, « Ce peuple s'est fort multiplié dans le pays. Vous voyez que cette populace s'est beaucoup accrue. Que serait-ce si vous lui relâchiez quelque chose de son travail ? » Il donna donc ce jour-là même, cet ordre aux inspecteurs des travaux et aux commissaires du peuple. Et il leur dit « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de paille à ce peuple pour faire les briques, mais qu'ils en aillent chercher eux-mêmes. Et vous ne laisserez pas d'exiger d'eux la même quantité de briques qu'ils rendaient auparavant, sans en rien diminuer. Car ils n'ont pas de quoi s'occuper. C'est pourquoi ils crient et disent « Allons sacrifier à notre Dieu ». Qu'on les accable de travaux, qu'ils les exécutent, afin qu'ils n'acquiescent plus à des paroles de mensonges. Alors, ceux qui avaient l'intendance des ouvrages et qui les exigeaient du peuple, dirent aux Hébreux, « Voici l'ordre du Pharaon, je ne vous donnerai plus de paille. Allez et cherchez-en où vous pourrez en trouver. Et néanmoins, on ne diminuera rien de votre ouvrage. » Le peuple se répandit donc dans toute l'Égypte afin d'amasser de la paille. Et ceux qui avaient l'intendance des travaux les pressaient en leur disant « Rendez tous les jours la même quantité de briques que vous rendiez lorsqu'on vous donnait de la paille. » Ce don qui était préposé aux ouvrages des enfants d'Israël furent battus de verges par les exacteurs du Pharaon qui leur disaient « Pourquoi n'avez-vous pas rendu, ni hier, ni aujourd'hui, la même quantité de briques que vous faisiez auparavant ?» Alors, ceux qui étaient préposés aux travaux des enfants d'Israël vinrent crier au Pharaon en lui disant « Pourquoi traitez-vous ainsi vos serviteurs ? On ne nous donne point de paille et on nous commande de rendre le même nombre de briques qu'auparavant. Nous sommes battus de verges, nous qui sommes vos serviteurs, et on tourmente injustement votre peuple. » Il leur répondit « Vous avez trop de loisirs, et c'est ce qui vous fait dire « Allons sacrifier au Seigneur ». Allez donc et travaillez, on ne vous donnera point de paille et vous rendrez toujours la même quantité de briques. » Ainsi, ceux qui étaient préposés aux travaux des enfants d'Israël se trouvèrent dans une grande extrémité parce qu'on leur disait que rien ne soit diminué des briques de chaque jour. Et ayant rencontré Moïse et Aaron qui s'étaient tenus près de là, attendant que ces Israélites sortissent d'auprès du Pharaon, ils leur dirent « Que le Seigneur voit ceci et en soit le juge, car vous nous avez mis en mauvaise odeur devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et vous lui avez donné un glaive pour nous tuer. » Moïse, étant retourné vers le Seigneur, lui dit « Seigneur, pourquoi avez-vous affligé ce peuple? Pourquoi m'avez-vous envoyé? Car depuis que je me suis présenté devant le Pharaon pour lui parler en votre nom, il a tourmenté encore plus votre peuple et vous ne l'avez point délivré. » Le Seigneur dit à Moïse, « Vous verrez maintenant ce que je vais faire au Pharaon, car je le contraindrai par la force de mon bras à laisser aller les Israélites, et ma main puissante l'obligera de les chasser de son pays. » Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis le Seigneur, qui est apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne leur ai point fait connaître mon nom de Jéhovah. Et j'ai fait alliance avec eux en leur promettant de leur donner la terre de Canaan, la terre de leur pérégrination, où ils ont demeuré comme étrangers. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël parmi les travaux dont les Égyptiens les accablent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dites aux enfants d'Israël, « Je suis le Seigneur, c'est moi qui vous tirerai de la prison des Égyptiens, qui vous délivrerait de la servitude et qui vous rachèterait par la force de mon bras et par des jugements éclatants. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur votre Dieu lorsque je vous aurai délivré de la prison des Égyptiens. Et que je vous aurai fait entrer dans cette terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car je vous la donnerai et vous en mettrez en possession, moi qui suis le Seigneur. » Moïse rapporta donc tout cela aux enfants d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, à cause de leur extrême angoisse et de leurs rudes travaux. Dieu parla ensuite à Moïse et lui dit, « Allez trouver le Pharaon, le roi d'Égypte, et parlez-lui, afin qu'il permette aux enfants d'Israël de sortir de son pays. » Moïse répondit au Seigneur, « Vous voyez que les enfants d'Israël ne m'écoutent point. Comment donc le Pharaon m'écouterait-il d'autant plus que je suis incirconcis des lèvres ?» Le Seigneur parla encore à Moïse et à Aaron. Il leur donna ordre d'aller trouver les enfants d'Israël et le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Voici les noms des princes des maisons selon leurs familles. Les enfants de Ruben, fils aîné d'Israël, furent Hénoc, Phallu, Hesron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Les enfants de Siméon furent Jamuel, Jamin, Ahod, Jaquin, Sohar et Saül, fils d'une femme de Canaan. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des enfants de Lévi et la suite de leurs familles. Ces enfants furent Gerson, Kahat et Merari. Le temps de la vie de Lévi fut de 137 ans. Les enfants de Gerson furent Lobni et Séméi, qui eurent chacun leur famille. Les enfants de Kahat furent Amram, Isaar, Hébron et Oziel. Le temps de la vie de Kahat fut de 133 ans. Les enfants de Merari furent Moli et Musi. Ce sont là les enfants sortis de Lévi, chacun dans sa famille. Or, Amram épousa Jochabed, fille de son oncle paternel, dont il eut Aaron et Moïse. Et le temps que vécut Amram fut de 137 ans. Les enfants d'Izhar furent Coré, Népheg et Zécri. Les enfants d'Oziel furent Misaël, Élisaphan et Sétri. Aaron épousa Élisabeth, fille d'Aminadab, sœur de Naasson, dont il eut Nadab, Abiu, Éléazar et Itamar. Les enfants de Coré furent Azer, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles sorties de Coré. Éléazar, fils d'Aaron, épousa une des filles de Fusiel, dont il eut des Phinées. Ce sont là les chefs des familles de Lévi qui eurent chacun leurs enfants. Aaron et Moïse sont ceux auxquels le Seigneur commanda de faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël selon leurs troupes. Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là ce Moïse et cet Aaron auxquels le Seigneur donna ses ordres dans l'Égypte, car le Seigneur parla à Moïse et lui dit « Je suis le Seigneur, dites au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je vous ordonne de lui dire. » Et Moïse répondit au Seigneur « Vous voyez que je suis incirconcis des lèvres, comment le Pharaon m'écoutera-t-il ?» Alors le Seigneur dit à Moïse, « Je vous ai établi le Dieu du Pharaon, et Aaron, votre frère, sera votre prophète. Vous direz à Aaron tout ce que je vous ordonne de dire, et Aaron parlera au Pharaon, afin qu'il permette aux enfants d'Israël de sortir de son pays. Mais j'endurcirai son cœur, et je multiplierai dans l'Égypte mes prodiges et mes merveilles. Et le Pharaon ne vous écoutera point, et j'étendrai ma main sur l'Égypte, et après y avoir fait éclater la sévérité de mes jugements, j'en ferai sortir mon armée et mon peuple, les enfants d'Israël. Les Égyptiens apprendront que je suis le Seigneur, après que j'aurai étendu ma main sur l'Égypte, et que j'aurai fait sortir les enfants d'Israël du milieu d'eux. » Moïse et Aaron firent donc selon que le Seigneur le leur avait ordonné. C'est ainsi qu'ils agirent. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, « Lorsque le Pharaon vous dira « Faites des miracles devant nous », vous direz à Aaron, « Prenez votre verge et jetez-la devant le Pharaon, et elle sera changée en serpent. » Moïse et Aaron, étant donc allés trouver le Pharaon, firent ce que le Seigneur leur avait commandé. Aaron jeta sa verge devant le Pharaon et ses serviteurs, et elle fut changée en serpent. Le Pharaon, ayant fait venir les sages et les magiciens, ils firent aussi la même chose par les enchantements du pays et par les secrets de leur art. Et chacun d'eux, ayant jeté sa verge, elles furent changées en serpent. Mais la verge d'Aaron dévora leur verge. Alors le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon que le Seigneur l'avait ordonné. Et le Seigneur dit à Moïse, « Le cœur du Pharaon s'est endurci, il ne veut point laisser aller mon peuple. Allez le trouver dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et vous vous tiendrez sur le bord du fleuve pour venir au-devant de lui. Vous prendrez en votre main la verge qui a été changée en serpent, et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers vous pour vous dire, « Laissez aller mon peuple, afin qu'il me sacrifie dans le désert. » Et jusqu'à présent, vous ne m'avez pas voulu écouter. Voici donc ce que dit le Seigneur. Vous connaîtrez en ceci que je suis le Seigneur. Je vais frapper l'eau de ce fleuve avec la verge que j'ai en ma main, et elle sera changée en sang. Et les poissons qui sont dans le fleuve périront. Les eaux se corrompront, et les Égyptiens souffriront beaucoup en buvant de l'eau du fleuve. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Dites à Aaron, « Prenez votre verge et étendez votre main sur les eaux d'Égypte, sur les fleuves, sur les ruisseaux, sur les marais et sur les eaux de tous les lacs, afin qu'elles soient changées en sang et qu'il n'y ait que du sang dans toute l'Égypte, dans tous les vases de bois ou de pierre. » Moïse et Aaron firent donc ce que le Seigneur leur avait ordonné. Aaron, élevant sa verge, frappa l'eau du fleuve devant le Pharaon et ses serviteurs, et l'eau fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient boire de ses eaux, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens d'Égypte firent la même chose avec leurs enchantements, et le cœur du Pharaon s'endurcit. Il n'écouta point Moïse et Aaron, selon que le Seigneur l'avait ordonné. Il se retira de devant eux et entra dans sa maison, et il ne fléchit point encore son cœur pour cette fois. Tous les Égyptiens creusèrent la terre le long du fleuve et y cherchèrent de l'eau pour boire parce qu'ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Et il se passa 7 jours entiers depuis la plaie dont le Seigneur avait frappé le fleuve. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Allez trouver le Pharaon, et dites-lui, voici ce que dit le Seigneur, laissez aller mon peuple afin qu'il me sacrifie, que si vous ne voulez pas le laisser aller, je frapperai toutes vos terres, et je les couvrirai de grenouilles. Le fleuve fourmillera de grenouilles qui entreront dans votre maison, qui monteront dans la chambre où vous couchez, et sur votre lit, dans les maisons de vos serviteurs et dans celles de tout votre peuple, dans vos fours et sur les restes de vos viandes. Et ces grenouilles monteront vers vous, vers votre peuple et vers tous vos serviteurs. » Le Seigneur dit donc à Moïse, « Dites à Aaron, étendez votre main sur les fleuves, sur les ruisseaux et sur les marais, et faites venir des grenouilles sur la terre d'Égypte. » Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte, et les grenouilles en sortir et couvrir l'Égypte. Les magiciens firent aussi la même chose par leurs enchantements, et ils firent venir des grenouilles sur la terre d'Égypte. Le Pharaon appela ensuite Moïse et Aaron, et il leur dit, « Priez le Seigneur, afin qu'il me délivre, moi et mon peuple, de ces grenouilles, et je laisserai aller le peuple, afin qu'il sacrifie au Seigneur. » Moïse répondit au Pharaon, « Marquez-moi le temps auquel vous voulez que je prie pour vous, pour vos serviteurs et pour votre peuple, afin que les grenouilles soient chassées loin de vous et de votre maison, de vos serviteurs et de votre peuple, et qu'elles ne demeurent que dans le fleuve. » « Demain, » répondit le Pharaon, « je ferai, » dit Moïse, « ce que vous me demandez, afin que vous sachiez que rien n'est égal au Seigneur notre Dieu. Les grenouilles se retireront de vous,

et les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis seront frappés d'une peste très dangereuse. Et le Seigneur fera un miracle pour discerner les possessions des enfants d'Israël d'avec les possessions des Égyptiens, en sorte qu'il ne périsse absolument rien de ce qui appartient aux enfants d'Israël. Le Seigneur en a marqué lui-même le temps en disant « C'est demain que le Seigneur fera cette merveille dans le pays ». Le Seigneur fit donc le lendemain ce qu'il avait dit, et toutes les bêtes des Égyptiens moururent, mais nulle de toutes celles des enfants d'Israël ne périt. Le Pharaon envoya voir, et l'on trouva que rien n'était mort de tout ce que possédait Israël. Mais le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Alors le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Prenez plein vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel devant le Pharaon, et que cette poussière se répande sur toute l'Égypte. Il s'en formera des ulcères et des tumeurs dans les hommes et dans les animaux par toute l'Égypte. » Ayant donc pris de la cendre de fournaise, ils se présentèrent devant le Pharaon, et Moïse la jeta vers le ciel. En même temps, il se forma des ulcères et des tumeurs dans les hommes et dans les animaux. Et les magiciens ne pouvaient se tenir devant Moïse à cause des ulcères qui leur étaient survenus comme à tout le reste des Égyptiens. Et le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon que le Seigneur l'avait prédit à Moïse. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Levez-vous dès le point du jour et présentez-vous devant le Pharaon, et dites-lui, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des Hébreux. « Laissez aller mon peuple afin qu'il me sacrifie, car c'est maintenant que je vais envoyer toutes mes plaies sur votre cœur, sur vos serviteurs et sur votre peuple, afin que vous sachiez que nul n'est semblable à moi sur la terre. C'est maintenant que je vais étendre ma main et vous frapper de la peste, vous et votre peuple, et vous périrez de dessus la terre. Car je vous ai établi pour faire éclater en vous ma force et pour rendre mon nom célèbre dans toute la terre. Quoi ? Vous retenez encore mon peuple et vous ne voulez pas le laisser aller ? Voici, demain, à cette même heure, je ferai pleuvoir une grêle extrêmement forte et telle qu'on n'en a point vu de semblable dans l'Égypte depuis qu'elle a été fondée jusqu'à présent. Envoyez donc dès maintenant à la campagne, et faites-en retirer vos bêtes et tout ce que vous y avez, car, et les hommes et les bêtes, et toutes les choses qui se trouveront dehors et qu'on n'aura point retiré des champs, mourront frappés de la grêle. » Ceux d'entre les serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole du Seigneur firent retirer leurs serviteurs et leurs bêtes dans leur maison. Mais ceux qui négligèrent ce que le Seigneur avait dit laissèrent leurs serviteurs et leurs bêtes dans les champs. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Étendez votre main vers le ciel, afin qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes, et sur toute l'herbe de la campagne. » Moïse, ayant levé sa verge vers le ciel, le Seigneur fit tomber de la grêle au milieu du tonnerre et de feu qui rampait à terre. Le Seigneur fit pleuvoir la grêle sur la terre d'Égypte. La grêle et le feu, mêlés l'un avec l'autre, tombaient ensemble, et cette grêle fut d'une telle grosseur qu'on n'en avait jamais vu auparavant de semblable dans toute l'étendue de l'Égypte depuis l'établissement de son peuple. Et dans tout le pays de l'Égypte, la grêle frappa de mort tout ce qui se trouva dans les champs depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Elle frappa toute l'herbe de la campagne et elle rompit tous les arbres. Il n'y eut qu'au pays de Gécène, où étaient les enfants d'Israël, que cette grêle ne tomba point. Alors le Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron, et il leur dit, « J'ai péché encore cette fois. Le Seigneur est juste, moi et mon peuple, nous sommes des impies. Priez le Seigneur, afin qu'il fasse cesser ces grands tonnerres et la grêle, et que je vous laisse partir sans que vous demeuriez ici davantage. » Moïse lui répondit, « Quand je serai sorti de la ville, j'élèverai mes mains vers le Seigneur, et les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que vous sachiez que la terre est au Seigneur. Mais je sais que vous ne craignez point encore le Seigneur Dieu, ni vous, ni vos serviteurs. Le lin et l'orge furent donc gâtés par la grêle, parce que l'orge avait déjà poussé son épi et que le lin commençait à produire ses feuilles. Mais le froment et l'épeautre ne furent point gâtés, parce qu'ils étaient plus tardifs. Après que Moïse eut quitté le Pharaon et qu'il fut sorti de la ville, il éleva les mains vers le Seigneur, et les tonnerres et la grêle cessèrent, sans qu'il tombât plus une goutte d'eau sur la terre. Mais le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, augmenta encore son péché. Son cœur et celui de ses serviteurs s'apesantit et s'endurcit de plus en plus, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon que le Seigneur l'avait ordonné par Moïse. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Allez trouver le Pharaon, car j'ai endurci son cœur et celui de ses serviteurs, afin que j'accomplisse sur lui mes prodiges, et que vous racontiez à vos enfants et aux enfants de vos enfants de combien de plaies j'ai frappé les Égyptiens, et combien de merveilles j'ai faites parmi eux, et pour que vous sachiez que je suis le Seigneur. » Moïse et Aaron vinrent donc trouver le Pharaon, et ils lui dirent, « Voici ce que dit le Seigneur. Le Dieu des Hébreux, jusque à quand refuserez-vous de vous assujettir à moi? Laissez aller mon peuple afin qu'il me sacrifie. Si vous résistez encore et si vous ne voulez pas le laisser aller, je ferai venir demain dans votre pays des sauterelles qui couvriront la surface de la terre en sorte qu'elle ne paraîtra plus et qui mangeront tout ce que la grêle n'aura pas gâté, car elles rongeront tous les arbres qui poussent dans les champs. Elles rempliront vos maisons, les maisons de vos serviteurs et de tous les Égyptiens, de sorte que ni vos pères, ni vos aïeux n'en ont jamais vu une aussi grande quantité depuis le temps qu'ils sont nés sur la terre jusqu'à aujourd'hui. » Moïse se détourna aussitôt de devant le Pharaon et se retira. Mais les serviteurs du Pharaon dirent à ce prince, « Jusque à quand souffrirons-nous ce scandale ? « Laissez aller ces gens, afin qu'ils sacrifient au Seigneur leur Dieu. Ne voyez-vous pas que l'Égypte est perdue ?» Ils rappelèrent donc Moïse et Aaron auprès du Pharaon, lequel leur dit, « Allez sacrifier au Seigneur votre Dieu, mais qui sont ceux qui doivent y aller ?» Moïse lui répondit, « Nous irons avec nos petits-enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos troupeaux, car c'est la fête solennelle du Seigneur notre Dieu. » Le Pharaon lui répartit, « Que le Seigneur soit avec vous, en la même manière que je vous laisserai aller avec vos petits-enfants. Qui doute que vous n'ayez un très mauvais dessein ? Il n'en sera pas ainsi. Mais allez seulement vous, les hommes, et sacrifiez au Seigneur, car c'est ce que vous avez demandé vous-même. » Et aussitôt, ils furent chassés de devant le Pharaon. Alors, le Seigneur dit à Moïse, « Étendez votre main sur l'Égypte pour faire venir les sauterelles, afin qu'elles montent sur la terre et qu'elles dévorent toute l'herbe qui est restée après la grêle. » Moïse étendit donc sa verge sur la terre d'Égypte, et le Seigneur fit souffler un vent brûlant tout le jour et toute la nuit. Le matin, ce vent brûlant fit élever les sauterelles, qui vinrent fondre sur toute l'Égypte et s'arrêtèrent dans toutes les terres des Égyptiens en une quantité si effroyable que, ni avant ni après, on n'en vit jamais un si grand nombre. Elles couvrirent toute la surface de la terre et ravagèrent tout. Elles mangèrent toute l'herbe et tout ce qui se trouva de fruits sur les arbres qui avaient échappé à la grêle. Et il ne resta absolument rien de vert, ni sur les arbres, ni sur les herbes des champs dans toute l'Égypte. C'est pourquoi le Pharaon se hâta de faire venir Moïse et Aaron, et il leur dit, « J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Mais pardonnez-moi ma faute encore cette fois, et priez le Seigneur votre Dieu, afin qu'il retire de moi cette mort. » Moïse, étant sorti de devant le Pharaon, pria le Seigneur, qui, ayant fait souffler un vent très violent du côté de l'Occident, enleva les sauterelles et les jeta dans la mer Rouge. Il n'en demeura pas une seule dans toute l'Égypte. Mais le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, et il ne laissa point encore aller les enfants d'Israël. Le Seigneur dit donc à Moïse, « Étendez votre main vers le ciel et qu'il se forme sur la terre de l'Égypte des ténèbres si épaisses qu'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel et des ténèbres horribles couvrirent toute la terre d'Égypte pendant 3 jours. Nul ne vit son frère, ni ne se remua du lieu où il était. Mais le jour luisait partout où habitaient les enfants d'Israël. Alors le Pharaon fit venir Moïse et Aaron et leur dit, « Allez sacrifier au Seigneur, que vos brebis seulement et vos troupeaux demeurent ici et que vos petits-enfants aillent avec vous. » Moïse lui répondit, « Vous nous donnerez aussi des victimes et des holocaustes pour les offrir au Seigneur notre Dieu. Tous nos troupeaux marcheront avec nous. Et il ne demeurera pas une corne de leurs pieds, parce que nous en avons besoin pour le culte du Seigneur notre Dieu, d'autant plus que nous ne savons pas ce qui doit lui être immolé, jusqu'à ce que nous soyons arrivés au lieu même qu'il nous a marqué. » Mais le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, et il ne voulut point les laisser aller. Le Pharaon dit encore à Moïse, « Retirez-vous. Et gardez-vous bien de paraître jamais devant moi, car le jour que vous vous montrerez à moi, vous mourrez. » Moïse répondit, « Ce que vous ordonnez sera fait, je ne verrai plus jamais votre visage. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Je frapperai encore le Pharaon et l'Égypte d'une seule plaie, et après cela, il vous laissera aller, et vous pressera même de partir. Vous direz donc à tout le peuple, que chaque homme demande à son ami, et chaque femme à sa voisine, des vases d'argent et d'or. Et le Seigneur fera trouver grâce à son peuple devant les Égyptiens. » Or Moïse était devenu très grand dans toute l'Égypte, tant aux yeux des serviteurs du Pharaon que de tout son peuple. Et il lui dit, avant de le quitter, « Voici ce que dit le Seigneur, je sortirai au milieu de la nuit et je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays des Égyptiens, depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui tourne la meule, et jusqu'au premier-né des bêtes. Et il s'élèvera un grand cri dans toute l'Égypte, tel qu'il n'y en eut et n'y en aura jamais un semblable avant et après. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, on n'entendra pas seulement un chien crier, afin que vous sachiez par quel grand miracle le Seigneur discerne Israël d'avec les Égyptiens. Alors, tous vos serviteurs que vous voyez ici viendront à moi, et ils m'adoreront en disant, « Sortez, vous et tout le peuple qui vous est soumis, et après cela, nous sortirons. » Et Moïse se retira de devant le Pharaon dans une très grande colère. Or le Seigneur dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera point, afin qu'il se fasse un grand nombre de prodiges dans l'Égypte. » Moïse et Aaron firent devant le Pharaon tous les prodiges qui sont écrits ici. Mais le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, et ce prince ne permit point aux enfants d'Israël de sortir de ses terres. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron sur la terre d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, ce sera le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dites-leur qu'au 10e jour de ce mois, chacun prenne un agneau pour sa famille et pour sa maison. Que s'il n'y a pas dans la maison assez de personnes pour pouvoir manger l'agneau, il en prendra de chez son voisin dont la maison tient à la sienne autant qu'il en faut pour pouvoir manger l'agneau. Cet agneau sera sans tache, ce sera un mâle, et il n'aura qu'un an. Vous pourrez prendre un chevreau qui ait ces mêmes conditions. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la multitude des enfants d'Israël l'immolera au soir. Ils prendront de son sang et ils en mettront sur l'un et l'autre poteau et sur le haut des portes des maisons où ils le mangeront. Et cette même nuit, ils en mangeront la chair rôtie au feu et des pains sans levain avec des laitues sauvages. Vous n'en mangerez rien qui soit cru ou qui ait été cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Vous en mangerez la tête avec les pieds et les intestins, et il n'en demeurera rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Vous vous cindrez les reins, vous aurez aux pieds des sandales et un bâton à la main, et vous mangerez à la hâte, car c'est la Pâque, c'est-à-dire le passage du Seigneur. Je passerai cette nuit-là par l'Égypte, je frapperai dans le pays des Égyptiens tous les premiers-nés depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai mes jugements sur tous les dieux de l'Égypte, moi qui suis le Seigneur. Or, le sang dont seront marquées les maisons où vous demeurerez servira de signe à votre égard. Je verrai ce sang, et je passerai vos maisons, et la plaie de mort ne vous touchera point lorsque je frapperai toute l'Égypte. Ce jour vous sera un mémorial, et vous le célébrerez de race en race, par un culte perpétuel, comme une fête solennelle à la gloire du Seigneur. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Dès le premier jour, il ne trouvera point de levain dans vos maisons. Quiconque mangera du pain avec du levain depuis le premier jour jusqu'au 7e périra du milieu d'Israël. Le premier jour sera saint et solennel, et le 7e sera une fête également vénérable. Vous ne ferez aucune œuvre servile durant ces 7 jours, excepté ce qui regarde la nourriture. Vous garderez donc cette fête des pains sans levain, car en ce même jour, je ferai sortir toute votre armée de l'Égypte, et vous observerez ce jour de race en race par un culte perpétuel. Depuis le 14e jour du premier mois, sur le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour de ce même mois. Il ne se trouvera point de levain dans vos maisons pendant 7 jours. Quiconque mangera du pain avec du levain périra du milieu de l'assemblée d'Israël, qu'il soit étranger ou indigène du pays. Vous ne mangerez rien avec du levain. Vous userez de pain sans levain dans toutes vos maisons. Moïse appela ensuite tous les anciens des enfants d'Israël et il leur dit « Allez, prenez un agneau dans chaque famille et immolez la Pâque. » Trempez un petit bouquet d'hysope dans le sang que vous aurez mis sur le seuil de votre porte et vous en ferez une aspersion sur le haut de la porte et sur les 2 poteaux. Que nul de vous ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Car le Seigneur passera en frappant les Égyptiens et lorsqu'il verra ce sang sur le haut de vos portes et sur les 2 poteaux, il passera la porte de votre maison et il ne permettra pas à l'ange exterminateur d'entrer dans vos maisons et de vous frapper. Observez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à tout jamais. Lorsque vous serez entrés dans la terre que le Seigneur vous donnera, selon sa promesse, vous observerez ces cérémonies. Et quand vos enfants vous diront « Quel est ce culte religieux ?» vous leur direz « C'est la victime du passage du Seigneur » lorsqu'il passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël dans l'Égypte, frappant les Égyptiens et délivrant nos maisons. Alors, le peuple s'inclinant, adora le Seigneur. Les enfants d'Israël, étant sortis, firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et il arriva, au milieu de la nuit, que le Seigneur frappa tous les premiers-nés de l'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la femme esclave qui était en prison, et jusqu'au premier-né de toutes les bêtes. Le Pharaon se leva pendant la nuit, ainsi que tous ses serviteurs et toute l'Égypte, et il s'éleva un grand cri dans l'Égypte. Il n'y avait aucune maison où il n'y eut un mort. Et le Pharaon, ayant fait venir cette nuit même Moïse et Aaron, leur dit « Levez-vous et retirez-vous d'avec mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez sacrifier au Seigneur comme vous le dites. Emmenez vos brebis et vos bœufs selon que vous l'avez demandé, et en vous en allant, bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient aussi le peuple de sortir promptement de leur pays en disant « Nous mourrons tous ». Le peuple prit donc la farine qu'il avait pétrie avant qu'elle fût levée et, la liant en des manteaux, la mit sur ses épaules. Les enfants d'Israël firent aussi ce que Moïse leur avait ordonné et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et d'or et beaucoup de vêtements. Et le Seigneur rendit les Égyptiens favorables à son peuple, afin qu'ils leur prêtassent ce qu'ils leur demandaient, et ainsi ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent donc de Ramessès et vinrent à Sokot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Ils furent suivis d'une multitude innombrable de gens de toute espèce, et ils avaient avec eux une infinité de brebis, de troupeaux et de bêtes de toutes sortes. Ils firent cuire la farine qu'ils avaient auparavant apporté de l'Égypte toute pétrie, et ils en firent des pains sans levain cuit sous la cendre, parce qu'ils n'avaient pu les faire lever, les Égyptiens les contraignant de partir et ne leur permettant pas de tarder un moment, et ils n'avaient pas eu non plus le temps de préparer d'autres nourritures. Le temps que les enfants d'Israël étaient restés en Égypte fut de 430 ans, après lesquels, ce même jour, toute l'armée du Seigneur sortit de l'Égypte. Cette nuit, dans laquelle le Seigneur les a tirés de l'Égypte, doit être consacrée en l'honneur du Seigneur, et tous les enfants d'Israël doivent l'observer dans la suite des âges. Le Seigneur dit aussi à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Nul étranger n'en mangera. Tout esclave qu'on aura acheté sera circoncis, et après cela, il en mangera. » Mais l'étranger et le mercenaire n'en mangera point. L'agneau se mangera dans une même maison. Vous ne transporterez rien de sa chair au dehors et vous ne romprez aucun de ses os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Que si quelqu'un des étrangers veut vous être associé et faire la Pâque du Seigneur, tout ce qu'il y aura de mal avec lui sera circoncis auparavant. Et alors, il la pourra célébrer. Et il sera comme un habitant de votre terre. Mais celui qui ne sera point circoncis n'en mangera point. La même loi se gardera pour les habitants du pays et pour les étrangers qui demeurent avec vous. Tous les enfants d'Israël exécutèrent ce que le Seigneur avait commandé à Moïse et à Aaron. Et en ce même jour, le Seigneur fit sortir de l'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Le Seigneur parla encore à Moïse et il lui dit « Consacrez-moi tous les premiers-nés qui ouvrent le sein de leur mère parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des bêtes, car toutes choses sont à moi. » Et Moïse dit au peuple « Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis de l'Égypte et de la maison de servitude. Souvenez-vous que le Seigneur vous a tiré de ce lieu par la force de son bras et gardez-vous de manger du pain avec du levain. Vous sortez aujourd'hui dans ce mois des nouveaux blés. Et lorsque le Seigneur vous aura fait entrer dans la terre des Cananéens, des Hétéens, des Amoréens, des Hévéens et des Jébuséens, qu'il a juré à vos pères de vous donner. Dans cette terre où coule le lait et le miel, vous célébrerez en ce mois ce culte sacré. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours, et le 7e sera encore la fête solennelle du Seigneur. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Il n'y aura pas de pain levé chez vous dans toute l'étendue de vos limites. Et en ce jour-là, vous direz à votre fils, « C'est en mémoire de la grâce que le Seigneur m'a faite lorsque je sortis d'Égypte. Et ceci sera comme un signe dans votre main et comme un monument devant vos yeux, afin que la loi du Seigneur soit toujours dans votre bouche, parce que le Seigneur vous a tiré d'Égypte par la force de son bras. Vous observerez ce culte tous les ans au jour qui vous a été ordonné. Et lorsque le Seigneur vous aura fait entrer dans la terre des Cananéens, selon que le serment qu'il vous en a fait et à vos pères, et qu'il vous l'aura donné, vous séparerez pour le Seigneur tout ce qui ouvre le sein de sa mère et tous les premiers-nés de vos bestiaux, et vous consacrerez au Seigneur tous les mâles que vous aurez. Vous échangerez le premier-né de l'âne pour une brebis. Si vous ne le rachetez point, vous le tuerez. Et vous rachèterez avec de l'argent tous les premiers-nés de vos enfants. Quand donc votre fils vous interrogera un jour et vous dira « Que signifie ceci ?» Vous lui répondrez « Le Seigneur nous a tirés de l'Égypte, de la maison de servitude par la force de son bras. Car le Pharaon étant endurci et ne voulant pas nous laisser aller, le Seigneur fit mourir dans l'Égypte tous les premiers-nés, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des bêtes. C'est pourquoi j'immole au Seigneur tous les mâles qui ouvrent le sein de leur mère et je rachète tous les premiers-nés de mes enfants. Ceci donc sera comme un signe en votre main et comme une chose suspendue devant vos yeux pour exciter votre souvenir, parce que le Seigneur nous a tirés d'Égypte par la force de son bras. Or le Pharaon, ayant fait sortir de ses terres le peuple d'Israël, le Seigneur ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins qui est voisin, de peur qu'ils ne vinssent à se repentir d'être ainsi sortis, s'ils voyaient s'élever des guerres contre eux et qu'ils ne retournassent en Égypte. Mais il leur fit faire un long circuit par le chemin du désert qui est près de la mer Rouge. Les enfants d'Israël sortirent ainsi en armes de l'Égypte. Et Moïse emporta aussi avec lui les os de Joseph, selon que Joseph l'avait fait promettre avec serment aux enfants d'Israël, en leur disant « Dieu vous visitera, emportez d'ici mes os avec vous. » Étant donc partis de Sokot, ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. Et le Seigneur marchait devant eux pour leur montrer le chemin, paraissant durant le jour en une colonne de nuée et pendant la nuit en une colonne de feu pour leur servir de guide le jour et la nuit. Jamais la colonne de nuée ne manqua de paraître devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et le Seigneur parla à Moïse et lui dit « Dites aux enfants d'Israël qu'ils retournent et qu'ils campent devant Phi-Hahiroth, qui est entre Magdala et la mer, vis-à-vis de Bel-Séphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu sur le bord de la mer. Car le Pharaon va dire des enfants d'Israël « Ils sont embarrassés en des lieux étroits et renfermés par le désert. » Je lui endurcirai le cœur, et il vous poursuivra, et je serai glorifié dans le Pharaon et dans toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » Les enfants d'Israël firent ce que le Seigneur leur avait ordonné. Et l'on vint dire au roi des Égyptiens que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple, et ils dirent « Qu'avons-nous fait ?» en laissant partir les Israélites, afin qu'ils ne nous fussent plus assujettis. Il fit donc préparer son char, et il prit avec lui tout son peuple. Il emmena aussi 600 chars d'élite, et tout ce qui se trouva de chars de guerre dans l'Égypte, avec les chefs de toute l'armée. Et le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il se mit à poursuivre les enfants d'Israël. Mais ils étaient sortis sous la conduite d'une main puissante. Les Égyptiens, poursuivant donc les Israélites qui étaient en avant et marchant sur leurs traces, les atteignirent campés sur le bord de la mer. Toute la cavalerie et les chars du Pharaon avec toute son armée étaient à Phiaïroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Lorsque le Pharaon était déjà proche, les enfants d'Israël, levant les yeux et ayant aperçu les Égyptiens derrière eux, furent saisis d'une grande crainte, et ils crièrent au Seigneur. Et ils dirent à Moïse, « Peut-être n'y avait-il point de sépulcre en Égypte, et c'est pour cela que vous nous avez amenés ici, afin que nous mourions dans le désert. Quel dessein aviez-vous quand vous nous avez fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous vous disions en Égypte? Retirez-vous de nous afin que nous servions les Égyptiens, car il valait beaucoup mieux que nous leur fussions leurs esclaves que de mourir dans ce désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, demeurez ferme et considérez les merveilles que le Seigneur doit faire aujourd'hui, car ces Égyptiens que vous voyez devant vous, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous demeurerez dans le silence. » Le Seigneur dit ensuite à Moïse, « Pourquoi criez-vous vers moi? Dites aux enfants d'Israël de se mettre en route. Et vous, élevez votre verge et étendez votre main sur la mer et divisez-la, afin que les enfants d'Israël marchent à sec au milieu de la mer. J'endurcirai le cœur des Égyptiens, afin qu'ils vous poursuivent, et je serai glorifié dans le Pharaon et dans toute son armée, dans ses chars et dans sa cavalerie. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai été ainsi glorifié dans le Pharaon, dans ses chars et dans sa cavalerie. » Alors l'ange de Dieu, qui marchait devant le camp des Israélites, alla derrière eux, et en même temps la colonne de nuée, quittant la tête du peuple, se mit aussi derrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et la nuée était ténébreuse d'une part, et de l'autre éclairait la nuit, en sorte que les deux armées ne purent s'approcher dans tout le temps de la nuit. Moïse, ayant étendu sa main sur la mer, le Seigneur l'entrouvrit en faisant souffler un vent violent et brûlant pendant toute la nuit. Et il la sécha, et l'eau fut divisée en deux. Et les enfants marchèrent à sec au milieu de la mer, ayant l'eau à droite et à gauche qui leur servait comme d'un mur. Et les Égyptiens, marchant après eux, se mirent à les poursuivre au milieu de la mer avec toute la cavalerie du Pharaon, ses chars et ses chevaux. Lorsque la veille du matin fut venue, le Seigneur, ayant regardé le camp des Égyptiens à travers la colonne de feu et de la nuée, fit périr toute leur armée. Il renversa les roues des chars et ils furent entraînés dans le fond de la mer. Alors les Égyptiens s'entredirent, « Fuyons les Israélites, parce que le Seigneur combat pour eux contre nous. » En même temps, le Seigneur dit à Moïse, « Étendez votre main sur la mer, afin que les eaux retournent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leur cavalerie. » Moïse étendit donc la main sur la mer, et vers la pointe du jour, elle retourna au même lieu où elle était auparavant. Ainsi, lorsque les Égyptiens s'enfuyaient, les eaux vinrent au-devant d'eux, et le Seigneur les enveloppa au milieu des flots. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et la cavalerie de toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer en poursuivant Israël, et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël passèrent à sec au milieu de la mer, ayant les eaux à droite et à gauche qui leur tenaient lieu de murs. En ce jour-là, le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens. Et ils virent les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer et les effets de la main puissante que le Seigneur avait étendue contre eux. Alors le peuple craignit le Seigneur. Il crut au Seigneur et à Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur, et ils dirent, « Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu et je publierai sa gloire. Il est le Dieu de mon Père et je l'exalterai. Le Seigneur apparut comme un guerrier, le Tout-Puissant, voilà son nom. Il a fait tomber dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Les plus grands d'entre les princes ont été submergés dans la mer rouge. Ils ont été ensevelis dans les abîmes. Ils sont tombés comme une pierre au fond des eaux. Votre droite, Seigneur, a signalé sa force. Votre droite, Seigneur, a frappé l'ennemi. Et vous avez renversé vos adversaires par la grandeur de votre gloire. Vous avez lancé votre colère qui les a dévorés comme du chaume. Et au souffle de votre fureur, les eaux se sont amoncelées, l'onde mobile s'est dressée, les flots se sont accumulés au milieu de la mer. L'ennemi avait dit, « Je les poursuivrai et je les atteindrai, je partagerai leurs dépouilles et je me satisferai pleinement, je tirerai mon épée et ma main les fera mourir. » Votre haleine a soufflé, et la mer les a enveloppés. Ils ont été submergés sous la violence des eaux comme du plomb. Qui, d'entre les forts, est semblable à vous, Seigneur? Qui vous est semblable à vous qui êtes magnifique en sainteté, terrible et digne de louange et opérant des prodiges? Vous avez étendu votre main et la terre les a dévorés. Vous vous êtes fait par votre miséricorde, le guide du peuple que vous avez racheté, et vous l'avez porté par votre puissance jusqu'à votre demeure sainte. Les peuples se sont élevés et ils se sont irrités. Ceux qui habitaient la Palestine ont été saisis de vives douleurs. Alors les princes d'Édom ont été troublés. L'épouvante a surpris les forts de Moab et tous les habitants de Canaan ont séché de crainte. Que l'épouvante et l'effroi tombe sur eux, Seigneur, à cause de la puissance de votre bras, qu'ils deviennent immobiles comme une pierre, jusqu'à ce que votre peuple ait passé, jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que vous vous êtes acquis. Vous les introduirez et vous les établirez, Seigneur, sur la montagne de votre héritage, sur cette demeure très ferme que vous vous êtes préparée vous-même, Seigneur, dans votre sanctuaire affermi par vos mains. Le Seigneur règnera dans l'éternité et au-delà des siècles. Car le Pharaon est entré à cheval dans la mer avec ses chars et ses cavaliers, et le Seigneur a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont passé à sec au milieu des eaux. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes marchèrent après elle avec des tambourins, formant des chœurs de danse. Et Marie chantait la première en disant « Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, et il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. » Or Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge, et ils entrèrent au désert de Sûr. Et, ayant marché 3 jours dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, et ils ne pouvaient boire des eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi on donna à ce lieu un nom qui lui était propre en l'appelant Mara, c'est-à-dire amertume. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Mais Moïse cria au Seigneur, lequel lui montra un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Dieu leur donna en ce lieu des préceptes et des ordonnances, et il y éprouva son peuple en disant « Si vous écoutez la voix du Seigneur, votre Dieu, et que vous fassiez ce qui est juste devant ses yeux, si vous obéissez à ses commandements, et si vous gardez tous ses préceptes, je ne vous frapperai point de toutes les maladies dont j'ai frappé l'Égypte, parce que je suis le Seigneur qui vous guérit. » Les enfants d'Israël vinrent à Élim, où il y avait 12 fontaines et 70 palmiers, et ils campèrent auprès des eaux. Thank you. toute la multitude des enfants d'Israël, étant partis d'Élim, vint au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois depuis leur sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël murmurèrent tous contre Moïse et Aaron dans le désert, en leur disant « Plût à Dieu que nous fussions morts dans l'Égypte par la main du Seigneur, lorsque nous étions assis près des marmites pleines de viande et que nous mangions du pain à satiété. Pourquoi nous avez-vous amenés dans ce désert pour y faire mourir de faim tout le peuple ?» Alors le Seigneur dit à Moïse « Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel, que le peuple aille en amasser ce qui lui suffira pour chaque jour, afin que j'éprouve s'ils marchent ou non dans ma loi, qu'ils en ramassent le sixième jour pour la garder chez eux, et qu'ils en recueillent deux fois autant qu'en un autre jour. » Alors Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Vous saurez ce soir que c'est le Seigneur qui vous a tiré de l'Égypte, et vous verrez demain matin éclater la gloire du Seigneur, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Mais qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse ajouta, « Le Seigneur vous donnera ce soir de la chair à manger, et au matin, il vous rassasiera de pain, parce qu'il a entendu les paroles de murmures que vous avez fait éclater contre lui. Car pour nous, qui sommes-nous ? Ce n'est point nous que vos murmures attaquent, c'est le Seigneur. » Moïse dit aussi à Aaron, « Dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos murmures. » Et lorsque Aaron parlait encore à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardèrent du côté du désert, et la gloire du Seigneur parut tout d'un coup sur la nuée. Alors le Seigneur parla à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dites-leur, vous mangerez ce soir de la chair, et au matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu. » Et il vint donc le soir un grand nombre de cailles qui couvrirent tout le camp, et le matin, il y eut aussi une couche de rosée tout autour du camp. Et la surface de la terre en étant couverte, on vit paraître dans le désert quelque chose de menu et comme pilé au mortier qui ressemblait à de la gelée blanche sur la terre. Ce que les enfants d'Israël ayant vu, ils se dirent l'un à l'autre « Manu », c'est-à-dire « Qu'est-ce que cela ?» car ils ne savaient ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est là le pain que le Seigneur vous donne à manger. Et voici ce que le Seigneur ordonne, que chacun en ramasse ce qu'il lui en faut pour manger. Prenez-en un gomor pour chaque personne, selon le nombre de ceux qui demeurent dans chaque tente. » Les enfants d'Israël firent ce qui leur avait été ordonné, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Et, l'ayant mesuré à la mesure du gomor, celui qui en avait plus amassé n'en eut pas davantage, et celui qui en avait moins préparé n'en avait pas moins. Mais il se trouva que chacun en avait amassé selon qu'il en pouvait manger. Moïse leur dit, « Que personne n'en garde jusqu'au matin. » Mais ils ne l'écoutèrent point, et quelques-uns, en ayant gardé jusqu'au matin, il s'y mit des vers, et cela se corrompit, et Moïse s'irrita contre eux. Chacun dont en recueillait le matin autant qu'il lui en fallait pour se nourrir, et lorsque la chaleur du soleil était venue, elle se fondait. Le sixième jour, ils en recueillirent une fois plus qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire deux gomors pour chaque personne. Or, tous les princes du peuple en vinrent donner avis à Moïse, qui leur dit, « C'est ce que le Seigneur a déclaré. Demain est le jour du sabbat, dont le repos est consacré au Seigneur. Faites donc aujourd'hui tout ce que vous avez à faire, faites cuire tout ce que vous avez à cuire, et gardez pour demain matin ce qui vous restera. » Ils firent ce que Moïse leur avait commandé, et la manne ne se corrompit point, et on n'y trouva pas de verre. Moïse leur dit ensuite, « Mangez aujourd'hui ce que vous avez gardé, parce que c'est le sabbat du Seigneur, et que vous n'en trouverez point aujourd'hui dans la campagne. » Recueillez donc la manne pendant 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, c'est pourquoi vous n'en trouverez pas. Le 7e jour étant venu, quelques-uns du peuple allèrent pour recueillir de la manne, et ils n'en trouvèrent point. Alors le Seigneur dit à Moïse, jusque à quand refuserez-vous de garder mes commandements et ma loi? Considérez que le Seigneur a établi le sabbat parmi vous et qu'il vous donne pour cela le sixième jour une double nourriture, que chacun d'eux demeure chez soi et que nul ne sorte de sa place au septième jour. Ainsi, le peuple garda le sabbat au septième jour. Et la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre, elle était blanche et elle avait le goût de la farine mêlée avec du miel. Moïse dit encore, « Voici ce qu'a ordonné le Seigneur, emplissez de manne un gomor et qu'on la garde pour les races à venir, afin qu'elle sache quel a été le pain dont je vous ai nourri dans le désert après que vous avez été tirés de l'Égypte. » Moïse dit encore à Aaron, « Prenez un vase et mettez-y de la manne autant qu'un gomor en peut tenir, et placez-le devant le Seigneur, afin qu'elle se garde pour les races à venir, selon que le Seigneur l'a ordonné à Moïse. » Et Aaron mit ce vase en réserve dans le tabernacle. Or les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils vinssent dans la terre où ils devaient habiter. C'est ainsi qu'ils furent nourris jusqu'à ce qu'ils vinssent dans la terre où ils devaient habiter. C'est ainsi qu'ils furent nourris jusqu'à ce qu'ils touchassent les frontières du pays de Canaan. Or le gomor est la dixième partie de l'éphi. Tous les enfants d'Israël étant donc partis du désert de Sin, selon les stations que le Seigneur leur avait marquées, ils campèrent à Raphidim, où il ne se trouva point d'eau à boire pour le peuple. Alors ils murmurèrent contre Moïse, et ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi murmurez-vous contre moi? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ?» Le peuple, se trouvant donc en ce lieu pressé de la soif et sans eau, murmura contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous et nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria alors au Seigneur et lui dit « Que ferai-je à ce peuple? Il s'en faut peu qu'il ne me lapide. » Le Seigneur dit à Moïse « Passez devant le peuple, menez avec vous des anciens d'Israël. » Prenez-en votre main la verge dont vous avez frappé le fleuve et allez. Voici, je me trouverai présent devant vous sur le rocher d'Horeb. Vous frapperez ce rocher et il en sortira de l'eau afin que le peuple ait à boire. Et Moïse fit ainsi en présence des anciens d'Israël. Et il appela ce lieu la tentation à cause du murmure des enfants d'Israël et parce qu'ils tentèrent là le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? » Cependant, Amalek vint à Raphidim combattre contre Israël. Et Moïse dit à Josué, « Choisissez des hommes et allez combattre contre Amalek. Je me tiendrai demain sur le haut de la colline, ayant en main la verge de Dieu. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit et il combattit contre Amalek. Mais Moïse, Aaron et Hur montèrent sur le haut de la colline. Et lorsque Moïse tenait les mains élevées, Israël était victorieux. Mais lorsqu'il les abaissait un peu, Amalek avait l'avantage. Cependant, les mains de Moïse étaient fatiguées. C'est pourquoi ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'y assit. Et Aaron et Hur lui soutenaient les mains des deux côtés. Ainsi, ses mains ne se lassèrent point jusqu'au coucher du soleil. Josué mit donc en fuite Amalek et son peuple au fil de l'épée. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Écrivez ceci dans un livre, afin que ce soit un monument, et faites-le entendre à Josué, car j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse dressa là un autel qu'il appela de ce nom, « Le Seigneur est ma gloire. » Car, dit-il, « la main du Seigneur s'élèvera de son trône contre Amalek, et le Seigneur lui fera la guerre dans la suite de toutes les races. » Or Jéthro, prêtre de Madian et allié de Moïse, ayant appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, et comment il l'avait fait sortir d'Égypte, prit Séphora, femme de Moïse, qui lui avait renvoyé, et ses deux fils, dont l'un avait été nommé Gersam, son père ayant dit « J'ai été voyageur en une terre étrangère ». Et l'autre, Éliézer, Moïse ayant dit encore « Le Dieu de mon père a été mon protecteur, et il m'a sauvé de l'épée du Pharaon. » Jéthro, allié de Moïse, vint donc le trouver avec ses enfants et sa femme dans le désert où il avait fait camper le peuple près de la montagne de Dieu. Et il envoya dire à Moïse, « C'est Jéthro, votre allié, qui vient vous trouver avec votre femme et vos deux enfants. » Moïse, étant allé au-devant de son beau-père, se prosterna et le baisa. Et ils se saluèrent en se souhaitant l'un à l'autre toutes sortes de bonheur. Jéthro entra ensuite dans la tente de Moïse, qui raconta à son beau-père toutes les merveilles que le Seigneur avait faites contre le Pharaon et contre les Égyptiens en faveur d'Israël, toutes les souffrances qu'ils avaient éprouvées en chemin et la manière dont le Seigneur les avait sauvés. Jéthro se réjouit beaucoup de toutes les grâces que le Seigneur avait faites à Israël et de ce qu'il avait tiré de la puissance des Égyptiens. Et il dit, « Béni soit le Seigneur, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, et qui a sauvé son peuple de la main de l'Égypte. Je reconnais maintenant que le Seigneur est grand au-dessus de tous les dieux, et comme il a paru lorsqu'ils se sont élevés si insolemment contre son peuple. » Jéthro, allié de Moïse, offrit donc à Dieu des holocaustes et des hosties, et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec lui devant le Seigneur. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre justice au peuple qui se présentait devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et son beau-père, ayant vu tout ce qu'il faisait pour ce peuple, lui dit, « D'où vient que vous agissez ainsi à l'égard du peuple? Pourquoi siégez-vous seul, et tout le peuple attend ainsi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse lui répondit, « Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et lorsqu'il leur arrive quelque différend, ils viennent à moi afin que j'en sois le juge et que je leur fasse connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Vous ne faites pas bien, répondit Jéthro. Il y a de l'imprudence à vous consumer ainsi par un travail inutile, vous et le peuple qui est avec vous. Cette entreprise est au-dessus de vos forces et vous ne pourrez la soutenir seul. Mais écoutez mes paroles et mes conseils et Dieu sera avec vous. Donnez-vous au peuple pour toutes les choses qui regardent Dieu, pour lui rapporter les demandes et les besoins du peuple et pour apprendre au peuple les ordonnances, la manière d'honorer Dieu, la voie par laquelle ils doivent marcher et ce qu'ils doivent faire. Mais choisissez d'entre tout le peuple des hommes fermes qui craignent Dieu, qui aiment la vérité et qui soient ennemis de l'avarice, et donnez la conduite aux uns de 1000 hommes, aux autres de 100, aux autres de 50 et aux autres de 10. Qu'ils soient occupés à rendre justice au peuple en tout temps, mais qu'il réserve pour vous les plus grandes affaires et qu'il juge seulement les plus petites. Ainsi, ce fardeau qui vous accable deviendra plus léger, étant partagé avec d'autres. Si vous faites ce que je vous dis, vous accomplirez le commandement de Dieu, vous pourrez suffire à exécuter ses ordres et tout ce peuple retournera chez lui en paix. Moïse, ayant entendu son beau-père parler de la sorte, fit tout ce qu'il lui avait conseillé. Et ayant choisi d'entre tout le peuple d'Israël des hommes fermes, il les établit princes du peuple pour commander les uns 1000 hommes, les autres 100, les autres 50 et les autres 10. Il jugeait le peuple en tout temps, mais il rapportait à Moïse toutes les affaires les plus difficiles, jugeant seulement les plus aisées. Après cela, Moïse laissa partir son beau-père, qui s'en retourna dans son pays. Le troisième mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël vinrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Raphidim et arrivés au désert de Sinaï, ils campèrent au même lieu et Israël y dressa ses tentes vis-à-vis de la montagne. Moïse monta ensuite auprès de Dieu et le Seigneur l'appela du haut de la montagne et lui dit « Voici ce que vous direz à la maison de Jacob et ce que vous annoncerez aux enfants d'Israël. » Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et de quelle manière je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai pris pour être à moi. Si donc vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples comme mon bien propre, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est là ce que vous direz aux enfants d'Israël. Moïse étant donc venu vers le peuple, en fit assembler les anciens et leur exposa tout ce que le Seigneur lui avait commandé de leur dire. Le peuple répondit tout d'une voix, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Et le Seigneur lui dit, « Je vais venir à vous dans une nuée sombre, afin que le peuple m'entende parler et qu'il vous croie à tout jamais. » Après que Moïse eut rapporté au Seigneur les paroles du peuple, il lui dit, « Allez trouver le peuple et sanctifiez-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car dans 3 jours le Seigneur descendra devant tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Vous marquerez tout autour des limites pour le peuple et vous leur direz, « Prenez bien garde de ne pas monter sur la montagne ni d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé de flèches. Que ce soit un animal ou un homme, il perdra la vie. Quand la trompette commencera à sonner, qu'il monte alors à la montagne. » Moïse, étant descendu de la montagne, vint trouver le peuple et il le sanctifia. Et après qu'ils eurent lavé leurs vêtements, il leur dit, « Soyez prêts pour le 3e jour et ne vous approchez point de vos femmes. » Le 3e jour étant arrivé, sur le matin, comme le jour était déjà brillant, on commença à entendre des tonnerres et à voir briller des éclairs. Une nuée très épaisse couvrit la montagne. La trompette sonna avec grand bruit et le peuple qui était dans le camp fut saisi de frayeur. Alors Moïse le fit sortir du camp pour aller au devant de Dieu et ils demeurèrent au pied de la montagne. Tout le mont Sinaï était couvert de fumée, parce que le Seigneur était descendu au milieu du feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne était terrible. Le son de la trompette s'augmentait aussi peu à peu et devenait plus fort et plus perçant. Moïse parlait et Dieu lui répondait. Et le Seigneur descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne, et il appela Moïse sur la cime. Et lorsqu'il y fut monté, Dieu lui dit, « Descendez vers le peuple et déclarez-lui hautement ma volonté, de peur que dans le désir de voir le Seigneur, il ne passe les limites et qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les prêtres aussi qui s'approchent du Seigneur se sanctifient, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse répondit au Seigneur, « Le peuple ne pourra monter sur la montagne du Sinaï, parce que vous m'avez fait vous-même ce commandement très exprès, en me disant, « Mettez des limites autour de la montagne et sanctifier le peuple. Le Seigneur lui dit « Allez, descendez, vous montrez ensuite, vous et Aaron avec vous, mais que les prêtres et le peuple ne passent point les limites et qu'ils ne montent point où est le Seigneur, de peur qu'il ne les fasse mourir. » Moïse descendit donc vers le peuple et lui rapporta tout ce que Dieu lui avait dit. Le Seigneur prononça ensuite toutes ces paroles. « Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai tiré de l'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant moi. Vous ne vous ferez point d'image taillée, ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. Vous ne les adorerez point, et vous ne leur rendrez point le souverain culte, car je suis le Seigneur votre Dieu, fort et jaloux, qui venge l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes préceptes. Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu, car le Seigneur ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. Vous travaillerez durant 6 jours et vous y ferez tous vos travaux. Mais le 7e jour est le jour du repos du Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez en ce jour aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre servante, ni votre bétail, ni l'étranger qui est dans vos portes. Car le Seigneur a fait en 6 jours le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est renfermé, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. Vous ne tuerez point, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne déroberez point, vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain. Vous ne désirerez point la maison de votre prochain. Vous ne désirerez point sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et voyait les lampes ardentes et la montagne toute couverte de fumée. Et dans la crainte et l'effroi dont ils étaient saisis, ils se tinrent éloignés. Et ils dirent à Moïse, « Parlez-nous vous-même, et nous vous écouterons. Mais que le Seigneur ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver et pour imprimer sa crainte en vous, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple demeura donc à distance, et Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Vous direz ceci aux enfants d'Israël, vous avez vu que c'est du ciel que je vous ai parlé. Vous ne ferez point de dieu d'argent, ni de dieu d'or. Vous me dresserez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos holocaustes et vos hosties pacifiques, vos brebis et vos bœufs, en tous les lieux où la mémoire de mon nom sera établie. Je viendrai à vous et je vous bénirai. Que, si vous me faites un autel de pierre, vous ne le bâtirez point de pierre taillée, car si vous employez le ciseau, il sera souillé. Vous ne monterez point par des degrés à mon autel, de peur que votre nudité ne soit découverte.

il rendra bœuf pour bœuf, et tout le bœuf mort sera pour lui. » Si quelqu'un vole un bœuf ou une brebis et qu'il les tue ou qu'il les vende, il rendra 5 bœufs pour un bœuf et 4 brebis pour une brebis. Si un voleur est surpris brisant la porte d'une maison ou perçant la muraille pour y entrer et qu'étant blessé, il en meurt, celui qui l'aura blessé ne sera point coupable de sa mort. Que, s'il a tué le voleur en plein jour, il a commis un homicide et il sera puni de mort. Si le voleur n'a pas de quoi rendre ce qu'il a dérobé, il sera vendu lui-même. Si ce qu'il avait dérobé se trouve encore vivant chez lui, que ce soit un bœuf ou un âne ou une brebis, il rendra le double. Si un homme fait quelques dégâts dans un champ ou dans une vigne, et il laisse aller sa bête pour manger ce qui n'est pas à lui, il donnera ce qu'il aura de meilleur dans son champ ou dans sa vigne pour payer le dommage selon l'estimation qui en sera faite. Si le feu, gagnant peu à peu, trouve des épines et se prend ensuite à un tas de gerbes ou au blé qui sont encore sur les pieds dans les champs, celui qui aura allumé le feu payera le dommage. Si quelqu'un met en dépôt de l'argent chez son ami ou quelque objet en garde et qu'on le dérobe chez celui qui en était le dépositaire, si l'on trouve le voleur, il rendra le double. Si le voleur ne se trouve point, le maître de la maison sera obligé de se présenter devant les dieux, et il jurera qu'il n'a point pris ce qui était à son prochain, et qu'il n'a point eu de part à ce vol, que ce soit un bœuf ou un âne ou une brebis, ou généralement quelque autre chose qui ait été perdue. Les dieux examineront la cause de l'un et de l'autre, et s'ils condamnent le dépositaire, il rendra le double à son prochain. Si un homme donne à garder à un autre un âne, un bœuf, une brebis ou quelque autre bête, et que ce qu'il avait eu en garde ou meurt ou dépérisse, ou soit pris par les ennemis sans que personne l'ait vu, il fera serment devant les juges qu'il n'a point pris le bien de son prochain, et le maître de ce qui aura été perdu s'en tiendra à ce serment, sans qu'il puisse le contraindre de payer la perte. Si ce qu'il avait en garde est dérobé, il dédommagera le propriétaire. Mais si l'animal est mangé par une bête fauve, il rapportera au propriétaire ce qui en sera resté, sans être obligé à rien rendre. Si quelqu'un emprunte d'un autre quelqu'une de ces choses, et qu'elle vienne à dépérir ou à mourir en l'absence du propriétaire, il sera obligé de la rendre. Si le maître est présent, celui qui se servait de la bête ne la restituera point, principalement s'il l'avait louée pour en payer l'usage qu'il en tirerait. Si quelqu'un séduit une vierge qui n'était point encore fiancée et qu'il la corrompe, il payera sa dot et il l'épousera lui-même. Si le père de la jeune fille ne veut pas la lui donner, il payera au père autant d'argent qu'il en faut d'ordinaire aux vierges pour se marier. Vous ne laisserez pas vivre les magiciens. Celui qui aura commis un crime abominable avec une bête sera puni de mort. Quiconque sacrifiera à d'autres dieux qu'au seul Seigneur véritable sera puni de mort. Vous n'attristerez point et vous n'affligerez point l'étranger, car vous avez été étranger vous-même dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez aucun tort à la veuve et à l'orphelin. Si vous les offensez en quelque chose, ils crieront vers moi, et j'écouterai leurs cris. Et ma fureur s'allumera contre vous. Je vous ferai périr par l'épée, et vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Si vous prêtez de l'argent à ceux de mon peuple qui sont pauvres parmi vous, vous ne les presserez point comme un exacteur impitoyable, et vous ne les accablerez point par des usures. Si votre prochain vous a donné son vêtement pour gage, vous le lui rendrez avant le coucher du soleil, car c'est la seule couverture dont il enveloppe sa chair, et il n'en a point d'autre pour mettre sur lui quand il dort. S'il crie vers moi, je l'exaucerai, parce que je suis bon et compatissant. Vous ne parlerez point mal des dieux, et vous ne maudirez point les princes de votre peuple. Vous ne différerez point à payer les dîmes et les prémices de vos biens, et vous me consacrerez le premier-né de vos fils. Vous ferez la même chose pour vos bœufs et pour vos brebis. Vous les laisserez 7 jours avec la mère, et vous me les offrirez le 8e. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de la chair dont les bêtes auront mangé avant vous, mais vous la jetterez aux chiens. Vous ne recevrez point la parole du mensonge, et vous ne prêterez point la main à l'impie pour porter un faux témoignage en sa faveur. Vous ne suivrez point la multitude pour faire le mal, et, dans le jugement, vous ne vous rendrez point à l'avis du grand nombre pour vous détourner de la vérité. Vous ne favoriserez pas le pauvre dans vos jugements. Si vous rencontrez le bœuf de votre ennemi ou son âne lorsqu'il est égaré, ramenez-les lui. Si vous voyez l'âne de celui qui vous hait tomber sous sa charge, vous ne passerez point outre, mais vous l'aiderez à le relever. Vous ne vous écarterez point de la justice pour condamner le pauvre. Vous fuirez le mensonge. Vous ne ferez point mourir l'innocent et le juste parce que j'abhorre l'impie. Vous ne recevrez point de présents parce qu'ils aveuglent les sages mêmes et qu'ils corrompent les jugements des justes. Vous ne ferez point de peine à l'étranger, car vous connaissez l'état des étrangers, puisque vous avez été vous-même étranger dans l'Égypte. Vous sèmerez votre terre pendant 6 années, et vous en recueillerez les fruits. Mais vous ne la cultiverez point la 7e année, et vous la laisserez reposer, afin que les pauvres de votre peuple trouvent de quoi manger, et que ce qui restera soit pour les bêtes des champs. Vous ferez la même chose à l'égard de vos vignes et de vos plants d'oliviers. Vous travaillerez durant 6 jours, et le 7e, vous ne travaillerez point, afin que votre bœuf et votre âne se reposent, et que le fils de votre servante et l'étranger aient quelque relâche. Observez toutes les choses que je vous ai commandées. Ne jurez point par le nom des dieux étrangers, et que leur nom ne sorte jamais de votre bouche. Vous célébrerez des fêtes en mon honneur 3 fois chaque année. Vous garderez la fête solennelle des pains sans levain. Vous mangerez, comme je vous l'ai ordonné, des pains sans levain pendant 7 jours dans le mois des fruits nouveaux, temps auquel vous êtes sortis d'Égypte. Vous ne vous présenterez point devant moi les mains vides. Vous célébrerez aussi la fête solennelle de la moisson et des prémices de votre travail, de tout ce que vous aurez semé dans les champs, et la 3e fête solennelle à la fin de l'année, lorsque vous aurez recueilli tous les fruits de vos champs. Tous les mâles qui sont parmi vous viendront se présenter 3 fois l'année devant le Seigneur votre Dieu. Vous ne m'offrerez point avec du levain le sang de la victime qui m'est immolée et la graisse de l'hostie offerte en ma solennité ne demeurera point jusqu'au lendemain. Vous viendrez offrir en la maison du Seigneur votre Dieu les prémices des fruits de votre terre. Vous ne ferez point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Voici que j'enverrai mon ange, afin qu'il marche devant vous, qu'il vous garde pendant le chemin, et qu'il vous fasse entrer dans la terre que je vous ai préparée. Respectez-le, écoutez sa voix, et gardez-vous bien de le mépriser. parce qu'il ne vous pardonnera point lorsque vous pécherez, et parce que mon nom est en lui. Si vous écoutez sa voix, et si vous faites tout ce que je vous dis, je serai l'ennemi de vos ennemis, et j'affligerai ceux qui vous affligent. Mon ange marchera devant vous, et il vous fera entrer dans la terre des Amoréens, des Hétéens, des Phérézéens, des Cananéens, des Évéens et des Jébuséens, car je les exterminerai. Vous ne vous prosternerez pas devant leur Dieu, et vous ne les servirez pas. Vous n'imiterez point leurs œuvres, mais vous les détruirez, et vous briserez leurs statues. Vous servirez le Seigneur votre Dieu, afin que je bénisse votre pain et les eaux que vous buvez, et que je bannisse toutes les maladies du milieu de vous. Il n'y aura point dans votre terre de femmes stériles et infécondes, et je remplirai le nombre de vos jours. J'enverrai ma terreur devant vous, j'exterminerai tous les peuples auprès desquels vous entrerez, et je ferai fuir tous vos ennemis devant vous. J'enverrai des frelons devant vous, qui mettront en fuite les Évéens, les Cananéens et les Hétéens avant que vous entriez dans leur pays. Je ne les chasserai pas de devant votre face en une seule année, de peur que la terre ne soit réduite en solitude et que les bêtes ne se multiplient contre vous. Je les chasserai peu à peu de devant vous, jusqu'à ce que vous croissiez en nombre et que vous vous rendiez maître de tout le pays. Les limites que je vous marquerai seront depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve. Je livrerai entre vos mains les habitants de cette terre et je les mettrai en fuite devant vous. Vous ne ferez point d'alliance avec eux ni avec les dieux qu'ils adorent. Ils n'habiteront point dans votre terre de peur qu'ils ne vous portent à m'offenser en servant les dieux qu'ils adorent, ce qui sera certainement votre ruine. Dieu dit aussi à Moïse, « Montez vers le Seigneur, vous et Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 anciens d'Israël, et vous adorerez de loin. » Moïse seul montera auprès du Seigneur, les autres n'approcheront point, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint donc rapporter au peuple toutes les paroles et toutes les ordonnances du Seigneur. Et le peuple répondit tout d'une voix, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse écrivit toutes les ordonnances du Seigneur, et se levant dès le point du jour, il dressa un autel au pied de la montagne et 12 pierres, selon le nombre des 12 tribus d'Israël. Et il envoya des jeunes gens d'entre les enfants d'Israël, et ils offrirent des holocaustes et immolèrent des victimes pacifiques au Seigneur de jeunes taureaux. Et Moïse prit la moitié du sang qu'il mit en des coupes et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et il le lut devant le peuple, qui dit, après l'avoir entendu, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous lui serons obéissants. » Alors, prenant le sang qui était dans les coupes, il le répandit sur le peuple et il dit, « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a fait avec vous, afin que vous accomplissiez toutes ces choses. » Et Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël montèrent. Et ils virent le Dieu d'Israël. Et son marchepied paraissait être un ouvrage fait de saphir et ressemblait au ciel lorsqu'il est serein. La main de Dieu ne frappa point ces princes qui avaient laissé bien loin derrière eux les enfants d'Israël. Mais ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Or le Seigneur dit à Moïse, « Montez auprès de moi en haut de la montagne, et vous y demeurerez. Je vous donnerai des tables de pierre, et la loi, et les commandements que j'ai écrits, afin que vous instruisiez le peuple. » Et Moïse se leva avec Josué qui le servait, et montant sur la montagne de Dieu, il dit aux anciens, « Attendez ici, jusqu'à ce que nous revenions à vous. Vous avez avec vous Aaron et Hur. S'il survient quelque difficulté, vous vous en rapporterez à eux. » Moïse étant monté, la nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur reposa sur le Sinaï, l'enveloppant d'une nuée pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu appela Moïse du milieu de cette obscurité. Ce qui paraissait de cette gloire du Seigneur était comme un feu ardent au plus haut de la montagne qui se faisait voir à tous les enfants d'Israël. Et Moïse, passant au travers de la nuée, monta sur la montagne et y demeura 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur parla donc à Moïse et lui dit « Ordonnez aux enfants d'Israël de m'apporter des prémices, et vous les recevrez de tous ceux qui me les présenteront avec une pleine volonté. Voici ce que vous devez recevoir d'eux, de l'or, de l'argent et de l'airain, de l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate teinte de foie, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge et d'autres teintes en violet et des bois de sétim, de l'huile pour entretenir les lampes, des aromates pour l'huile d'onction et des parfums d'excellente odeur, des pierres d'onyx et des pierres précieuses pour orner l'éphod et le rational. Et ils me dresseront un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Selon la forme très exacte du tabernacle que je vous montrerai et de tous les vases qui y serviront au culte sacré. Voici la manière dont vous ferez ce sanctuaire. Vous ferez une arche de bois de sétim qui est 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de haut. Vous la couvrirez d'un or très pur en dedans et en dehors. Vous y ferez au-dessus une couronne d'or tout autour. Vous mettrez 4 anneaux d'or aux 4 coins de l'arche, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Vous ferez aussi des bâtons de bois de sétim que vous couvrirez d'or et vous les ferez entrer dans les anneaux qui sont aux côtés de l'arche afin qu'ils servent à la portée. Les bâtons demeureront toujours dans les anneaux et on ne les en tirera jamais. Vous mettrez dans l'arche les tables de la loi que je vous donnerai. Vous ferez aussi le propitiatoire d'un or très pur. Il aura 2 coudées et demie de long et 1 coudée et demie de large. Vous mettrez aux 2 extrémités de l'oracle 2 chérubins d'or battu, un chérubin d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ils tiendront leurs ailes étendues des 2 côtés du propitiatoire et ils couvriront l'oracle et ils se regarderont l'un l'autre, ayant le visage tourné vers le propitiatoire qui couvrira l'arche, où vous mettrez les tables de la loi que je vous donnerai. C'est de là que je vous donnerai mes ordres. Je vous parlerai de dessus le propitiatoire, du milieu des 2 chérubins qui seront au-dessus de l'arche du témoignage, pour vous faire savoir tout ce que je voudrai commander aux enfants d'Israël. Vous ferez aussi une table de bois de sétim qui aura 2 coudées de long, 1 coudée de large et 1 coudée et demie de haut. Vous la couvrirez d'un or très pur et vous y ferez tout autour une bordure d'or. Vous appliquerez sur la bordure une couronne de sculpture à jour, haute de 4 doigts, et vous mettrez encore au-dessus une autre couronne d'or. Vous ferez aussi 4 anneaux d'or que vous mettrez aux 4 coins de la table, 1 à chaque pied. Les anneaux d'or seront au-dessous de la couronne pour y passer les bâtons, afin qu'on s'en serve à porter la table. Vous ferez aussi de bois de sétim ces bâtons sur lesquels la table sera portée, et vous les couvrirez d'or. Vous ferez aussi d'un or très pur des plats, des coupes, des encensoirs et des tasses dans lesquelles vous mettrez les liqueurs que l'on doit m'offrir. Et vous mettrez sur cette table les pains qui seront toujours exposés devant moi. Vous ferez aussi un chandelier de l'or le plus pur, battu au marteau avec sa tige, ses branches, ses coupes, ses pommes et ses lys qui en sortiront. 6 branches sortiront des côtés de sa tige, 3 d'un côté et 3 de l'autre. il y aura trois coupes en forme de noix, avec une pomme et un lys à une des branches. Il y aura de même trois coupes en forme de noix, avec une pomme et un lys à une autre branche, et il en sera ainsi à toutes les six branches qui sortiront de la tige. Mais la tige du chandelier aura quatre coupes en forme de noix, accompagnées chacune de sa pomme et de son lys. Il y aura trois pommes en trois endroits de la tige, et de chaque pomme sortiront deux branches qui feront en tout six branches naissantes d'une même tige. Ces pommes et ces branches sortiront donc du chandelier, étant toutes d'un or très pur battu au marteau. Vous ferez aussi sept lampes que vous mettrez au-dessus du chandelier, afin qu'elles éclairent ce qui est vis-à-vis. Vous ferez encore des mouchettes et les vases destinés pour y éteindre ce qui aura été mouché des lampes, le tout d'un or très pur. Le chandelier, avec tout ce qui sert à son usage, pèsera un talent d'un or très pur. Regardez et faites tout selon le modèle qui vous a été montré sur la montagne. Vous ferez le tabernacle en cette manière. Il y aura 10 rideaux de fin lin retors, de couleur d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate teintes deux fois. Ils seront parsemés d'ouvrages de broderie. Chaque rideau aura 28 coudées de long et 4 de large. Tous les rideaux seront d'une même mesure. 5 de ces rideaux tiendront l'un à l'autre et les 5 autres seront joints de même. Vous mettrez aussi des cordons d'hyacinthe aux côtés et à l'extrémité des rideaux, afin qu'ils puissent s'attacher l'un à l'autre. Chaque rideau aura 50 cordons de chaque côté, placés de telle sorte que lorsqu'on approchera les rideaux, les cordons de l'un répondent à ceux de l'autre et qu'on les puisse attacher ensemble. Vous ferez aussi 50 anneaux d'or qui serviront à joindre ensemble les deux voiles composés chacun des 5 rideaux, afin qu'il ne s'en fasse qu'un seul tabernacle. Vous ferez encore 11 toiles de poils de chèvre pour couvrir le dessus du tabernacle. Chacune de ces toiles aura 30 coudées de long et 4 de large, et elles seront toutes de la même mesure. Vous en joindrez 5 ensemble par le bas, et les 6 autres se tiendront aussi l'une à l'autre, en sorte que vous repliez en 2 la 6e en avant du tabernacle. Vous mettrez aussi 50 cordons au bord d'une de ces couvertures, afin qu'on la puisse se joindre avec l'autre, et 50 au bord de l'autre pour l'attacher à celle qui la touchera. Vous ferez aussi 50 agrafes d'airain par lesquelles vous ferez passer ces cordons, afin que de tous ces rideaux, il ne se fasse qu'une seule couverture. Et parce que de ces toiles destinées à couvrir le tabernacle, il y en aura une de surplus, vous en emploierez la moitié pour couvrir le fond du tabernacle. Et comme ces toiles déborderont d'une coudée d'un côté et d'une coudée de l'autre, ce qui prendra de surplus servira à couvrir les deux côtés du tabernacle. Vous ferez encore, pour mettre à couvert le tabernacle, une 3e couverture de peau de mouton, teintes en rouge, et par-dessus, vous en mettrez une 4e de peau teintes en bleu céleste. Vous ferez des haies de bois de sétim pour le tabernacle, qui se tiendront debout. Chacun de ces haies auront 10 coudées de haut et 1,5 coudées de large. Chaque haie aura 2 tenons afin qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre, et tous les haies seront disposés de cette même manière. Il y en aura 20 du côté méridional qui regarde le midi. Vous ferez fondre 40 bases d'argent afin que chaque haie soit portée sur 2 bases qui en soutiennent les 2 angles. Il y aura aussi 20 haies au second côté du tabernacle qui regarde l'aquilon. Ils seront soutenus sur 40 bases d'argent, chaque haie en ayant 2 pour le porter. Mais vous ferez 6 haies pour le côté du tabernacle qui regarde l'Occident, et 2 autres qui seront dressés aux angles du fond du tabernacle. Ils seront joints depuis le bas jusqu'au haut, et ils seront tous emboîtés l'un dans l'autre. Les 2 haies aussi qui seront mis aux angles seront joints comme les 6 autres. Il y aura 8 haies en tout, qui auront 16 bases d'argent, chaque haie en ayant 2 pour le soutenir. Vous ferez aussi 2 barres de bois de sétim, 5 pour tenir ferme tous les haies d'un des côtés du tabernacle, 5 autres pour l'autre côté, et 5 de même pour celui qui regarde l'Occident. Elles s'appliqueront de travers contre tous ces haies, depuis un bout jusqu'à l'autre. Vous couvrirez les haies de lames d'or, et vous y ferez des anneaux d'or pour y passer des barres de bois qui tiendront ensemble tous les haies, et vous couvrirez aussi ces barres de bois de lames d'or. Vous dresserez le tabernacle selon le modèle qui vous en a été montré sur la montagne. Vous ferez aussi un voile de couleur d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, teinte 2 fois, et de fin lin retors, où vous tracerez un ouvrage de broderie avec une agréable variété. Vous le suspendrez à 4 colonnes de bois de sétim qui seront couvertes d'or et qui auront des chapiteaux d'or et des bases d'argent. Le voile tiendra aux colonnes par des anneaux. Vous mettrez au-dedans du voile l'arche du témoignage et le voile séparera le saint d'avec le saint des saints. Vous mettrez aussi, dans le saint des saints, le propitiatoire au-dessus de l'arche où sera enfermée la loi. Vous mettrez la table au dehors du voile et le chandelier vis-à-vis de la table du côté du tabernacle qui est au midi, parce que la table sera placée du côté du septentrion. Vous ferez aussi, pour l'entrée du tabernacle, un voile qui sera d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate teinte 2 fois, de fin lin retors sur lequel vous ferez un ouvrage de broderie. Le voile sera suspendu à 5 colonnes de bois de sétim couvertes d'or, dont les chapiteaux seront d'or et les bases d'airain. Vous ferez aussi un autel de bois de sétim qui aura 5 coudées de long et autant de large, c'est-à-dire qu'il sera carré. Il aura 3 coudées de haut. 4 cornes s'élèveront des 4 coins de l'autel et vous le couvrirez d'airain. Vous ferez, pour l'usage de l'autel, des vases qui serviront à en recevoir les cendres, des tenailles, des pincettes, des brasiers, et vous ferez toutes ces choses d'airain. Vous ferez aussi une grille d'airain en forme de raie qui aura 4 anneaux d'airain aux 4 coins. Et vous les mettrez au-dessus du foyer de l'autel. La grille s'étendra jusqu'au milieu de l'autel. Vous ferez aussi, pour l'autel, 2 bâtons de bois de sétim que vous couvrirez de lames d'airain. Vous les ferez passer dans les anneaux des 2 côtés de l'autel et ils serviront à le porter. Vous ne ferez point l'autel solide, mais il sera vide et creux au-dedans, selon le modèle qui vous en a été montré sur la montagne. Vous ferez aussi le parvis du tabernacle. Au côté du midi, vous dresserez des rideaux de fin lin retors. Chaque côté aura 100 coudées de long. Vous y placerez 20 colonnes d'airain avec le même nombre de bases. Leurs chapiteaux et leurs ornements seront d'argent. Il y aura de même, du côté de l'aquilon, des rideaux de 100 coudées de long avec 20 colonnes qui auront chacune leur base d'airain, leurs chapiteaux et leurs ornements d'argent. La largeur du parvis qui regarde l'Occident aura 50 coudées, le long de laquelle vous mettrez des rideaux et 10 colonnes avec autant de bases. La largeur du parvis qui regarde l'Orient aura aussi 50 coudées. Vous y mettrez des rideaux d'un côté, dans l'espace de 15 coudées, et 3 colonnes avec autant de bases. Vous mettrez de l'autre côté des rideaux dans le même espace de 15 coudées avec 3 colonnes et autant de bases. À l'entrée du parvis, vous mettrez dans l'espace de 20 coudées des rideaux d'hyacinthe et de pourpre, d'écarlate teinte deux fois et de fin lin retors, le tout en ouvrage de broderie. Cette entrée aura 4 colonnes avec autant de bases. Toutes les colonnes du parvis seront revêtues tout autour de lames d'argent. Elles auront leurs chapiteaux d'argent et leurs bases d'airain. Le parvis aura 100 coudées de long, 50 de large et 5 de haut. Ces rideaux se feront de fin lin retors et les bases seront d'airain. Tous les vases qui serviront à tous les usages et à toutes les cérémonies du tabernacle et tous les pieux qui seront employés tant au tabernacle qu'au parvis seront d'airain. Ordonnez aux enfants d'Israël de vous apporter l'huile la plus pure des olives, celle qui aura été pilée au mortier afin que les lampes brûlent toujours. Dans le tabernacle du témoignage, en dehors du voile qui est suspendu devant l'arche du témoignage, Aaron et ses enfants placeront les lampes afin qu'elles luisent jusqu'au matin devant le Seigneur. Ce culte se continuera toujours et passera de race en race parmi les enfants d'Israël. Faites aussi approcher de vous Aaron, votre frère, avec ses enfants, en les séparant du milieu d'Israël, afin qu'ils exercent devant moi les fonctions du sacerdoce, Aaron, Nadab, Abiu, Éléazar et Ithamar. Vous ferez un vêtement saint à Aaron, votre frère, pour la gloire et l'ornement du culte divin. Vous parlerez à tous ceux qui sont sages de cœur, que j'ai remplis de l'esprit de prudence, afin qu'ils fassent des vêtements à Aaron, et qu'étant ainsi sanctifié, il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Le rational, l'éphod, la robe de l'éphod, la tunique de lin qui sera plus étroite, la mitre et la ceinture. Ce seront là les vêtements saints qu'ils feront pour Aaron, votre frère, et pour ses enfants, afin qu'ils exercent devant moi les fonctions du sacerdoce. Ils y emploieront l'or, l'hyacinthe, la pourpre, l'écarlate teinte deux fois et le fin lin. Ils feront l'éphod d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate teinte deux fois et de fin lin retors, dont l'ouvrage sera tissu du mélange de ces couleurs. L'éphod, par le haut, aura deux ouvertures sur les épaules, qui répondront l'une à l'autre de manière à se rejoindre. Tout l'ouvrage sera tissu avec une agréable variété d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, teinte deux fois et de fin lin retors. Vous prendrez aussi deux pierres d'onyx où vous graverez les noms des enfants d'Israël. Il y aura 6 noms sur une pierre et 6 sur l'autre, selon l'ordre de leur naissance. Vous y emploierez l'art du sculpteur et du lapidaire. Vous y graverez les noms des enfants d'Israël après avoir enchâssé les pierres dans l'or. Vous les mettrez sur l'éphod de côté et d'autre comme un mémorial pour les enfants d'Israël. Et Aaron portera leur nom devant le Seigneur, gravé sur les deux pierres qui seront sur ses épaules pour en renouveler le souvenir. Vous ferez aussi des boucles d'or et deux petites chaînes d'un or très pur dont les anneaux soient enlacés les uns dans les autres, que vous ferez entrer dans ces boucles. Vous ferez aussi le rational du jugement, qui sera tissu comme l'éphod, d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate teinte deux fois et de fin lin retors mêlés ensemble. Il sera carré et double et aura la grandeur d'un palme, tant en longueur qu'en largeur. Vous y mettrez 4 rangs de pierres précieuses. Au premier rang, il y aura la sardoine, la topaze et l'émeraude. Au second, l'escarboucle, le saphir et le jaspe. Au troisième, le ligure, l'agate et l'améthyste. Au quatrième, la chrysolite, l'onyx et le béryl. ils seront enchâssés dans l'or selon leur rang. Vous y mettrez les noms des enfants d'Israël. Leurs 12 noms y seront gravés selon leurs 12 tribus, chaque nom sur chaque pierre. Vous ferez, pour le rational, 2 petites chaînes d'un or très pur, dont les anneaux soient entrelacés l'un dans l'autre, et 2 anneaux d'or que vous mettrez au haut du rational, à ses 2 côtés. Vous joindrez les 2 chaînes d'or dans ces 2 anneaux qui seront aux extrémités du rational, et vous attacherez les extrémités de ces 2 chaînes à 2 agrafes d'or situées aux 2 côtés de l'éphod qui répond au rational. Vous ferez aussi 2 anneaux d'or que vous mettrez aux 2 côtés d'en bas du rational qui regardent vers le bas de l'éphod et vers ce qui n'en est point exposé à la vue. Vous ferez encore 2 autres anneaux d'or que vous mettrez aux 2 côtés du bas de l'éphod qui répondent aux 2 anneaux d'or du bas du rational afin que l'on puisse ainsi attacher le rational avec l'éphod et que les anneaux du rational soient attachés aux anneaux de l'éphod par un ruban de couleur d'hyacinthe afin qu'ils demeurent liés l'un à l'autre et que le rational et l'éphod ne puissent être séparés. Aaron portera les noms des enfants d'Israël sur le rational du jugement qu'il aura sur sa poitrine lorsqu'il entrera dans le sanctuaire afin qu'ils servent d'un monument éternel devant le Seigneur. Vous graverez sur le rational du jugement les 2 mots « doctrine » et « vérité » qui seront sur la poitrine d'Aaron lorsqu'il entrera devant le Seigneur et il portera toujours sur sa poitrine le jugement des enfants d'Israël devant le Seigneur. Vous ferez aussi la tunique de l'éphod. Elle sera toute de couleur d'hyacinthe. Il y aura en haut une ouverture au milieu et un bord tissu tout autour, comme on fait d'ordinaire aux extrémités des vêtements, de peur qu'ils ne se rompent. Vous mettrez au bas et tout autour de la même robe, comme des grenades faites d'hyacinthe et de pourpre et d'écarlate teinte de foie, entremêlées de sonnettes, en sorte qu'il y aura une sonnette d'or et une grenade, une sonnette d'or et une grenade. Aaron sera revêtu de cette robe quand il fera les fonctions de son ministère, afin qu'on entende le son de ses sonnettes lorsqu'il entrera dans le sanctuaire devant le Seigneur ou qu'il en sortira et qu'il ne meure point. Vous ferez aussi une lame d'un or très pur sur laquelle vous ferez graver par un ouvrier habile « La sainteté est au Seigneur ». Vous l'attacherez sur la tiare avec un ruban de couleur d'hyacinthe sur le front du souverain pontife. Et Aaron portera toutes les iniquités que les enfants d'Israël commettront dans tous les dons et tous les présents qu'ils offriront et qu'ils consacreront au Seigneur. Il aura toujours cette lame au front afin que le Seigneur leur soit favorable. Vous ferez aussi une tunique étroite de fin lin. Vous ferez encore la tiare de fin lin et la ceinture sera d'un ouvrage de broderie. Vous préparerez des tuniques de lin pour les fils d'Aaron, des ceintures et des tiares pour la gloire et pour l'ornement de leur ministère. Vous revêtirez Aaron, votre frère, et ses fils avec lui, de tous ses vêtements. Vous leur consacrerez les mains à tous, et vous les sanctifierez, afin qu'ils exercent les fonctions de mon sacerdoce. Vous leur ferez des caleçons de lin pour couvrir ce qui n'est pas honnête dans le corps, depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Aaron et ses enfants s'en serviront lorsqu'ils entreront dans le tabernacle du témoignage ou lorsqu'ils approchent de l'autel pour servir dans le sanctuaire, de peur qu'ils ne soient coupables d'iniquité et qu'ils ne meurent. Cette ordonnance sera stable et perpétuelle pour Aaron et pour sa postérité après lui. Voici ce que vous ferez pour consacrer prêtre à Aaron et ses fils. Prenez dans le troupeau un veau et 2 béliers sans tache, des pains sans levain, des gâteaux aussi sans levain arrosés d'huile, des galettes sans levain sur lesquelles on aura versé de l'huile. Vous ferez toutes ces choses de la plus pure farine de froment. Et les ayant mises dans une corbeille, vous me les offrirez. Vous amènerez le veau et les deux béliers. Vous ferez approcher à Aaron et ses enfants de l'entrée du tabernacle du témoignage. Et lorsque vous aurez lavé avec de l'eau le père et les enfants, vous revêtirez Aaron de ses vêtements, c'est-à-dire de la tunique de lin, de la robe, de l'éphod et du rational que vous lirez avec la ceinture. Et vous lui mettrez la tiare sur la tête et la lame sainte sur la tiare. Vous répandrez ensuite sur sa tête de l'huile de consécration, et il sera sacré de cette sorte. Vous ferez approcher aussi ses enfants. Vous les revêtirez de leur tunique de lin, vous les ceindrez de leur ceinture, ce que vous ferez pour Aaron et pour ses enfants. Vous leur mettrez la mitre sur la tête, et ils seront mes prêtres pour me rendre un culte perpétuel. Après que vous aurez consacré leurs mains, vous amènerez le veau devant le tabernacle du témoignage, et Aaron et ses enfants lui mettront les mains sur la tête. Et vous le sacrifierez devant le Seigneur à l'entrée du tabernacle du témoignage. Vous prendrez du sang du veau que vous mettrez avec le doigt sur les cornes de l'autel, et vous répandrez le reste du sang au pied de l'autel. Vous prendrez aussi toute la graisse qui couvre les entrailles et la membrane qui enveloppe le foie avec les deux reins et la graisse qui les couvre, et vous les offrirez en les brûlant sur l'autel. Mais vous brûlerez dehors et hors du camp toute la chair du veau, sa peau et ses excréments, parce que c'est une hostie pour le péché. Vous prendrez aussi un des béliers, et Aaron et ses enfants mettront leurs mains sur sa tête. Et lorsque vous l'aurez immolé, vous en prendrez du sang et le répandrez autour de l'autel. Vous couperez ensuite le bélier par morceaux, et en ayant lavé les intestins et les pieds, vous les mettrez sur les parties de son corps que vous aurez ainsi coupées et sur sa tête. Et vous offrirez le bélier en le brûlant tout entier sur l'autel, car c'est l'oblation du Seigneur et une hostie dont l'odeur lui est très agréable. Vous prendrez aussi l'autre bélier, et Aaron et ses enfants mettront leurs mains sur sa tête. Et l'ayant égorgé, vous prendrez de son sang et vous en mettrez sur le bas de l'oreille droite d'Aaron et de ses enfants, sur le pouce de leur main droite et de leur pied droit, et vous répandrez le reste du sang sur l'autel tout autour. Vous prendrez aussi du sang qui est sur l'autel et de l'huile d'onction. Vous en ferez l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses enfants et sur leurs vêtements, et après les avoir consacrés avec leurs vêtements, vous prendrez la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, la membrane qui enveloppe le foie, les deux reins et la graisse qui est au-dessus de l'épaule droite parce que c'est un bélier de consécration. Vous prendrez aussi une partie d'un pain, un des gâteaux trempés dans l'huile et une galette de la corbeille des azimes qui aura été exposée devant le Seigneur. Vous mettrez toutes ces choses sur les mains d'Aaron et de ses fils et vous les sanctifierez en élevant ces dons devant le Seigneur. Vous reprendrez ensuite toutes ces choses de leurs mains et vous les brûlerez sur l'autel en holocauste pour répandre une odeur très agréable devant le Seigneur parce que c'est son oblation. Vous prendrez aussi la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et vous la sanctifierez en l'élevant devant le Seigneur, et elle sera réservée pour votre part. Vous sanctifierez aussi la poitrine qui a été consacrée, l'épaule que vous aurez séparée du bélier par lequel Aaron et ses enfants auront été consacrés, et elles seront réservées des oblations des enfants d'Israël pour être la part d'Aaron et de ses enfants par un droit perpétuel, parce qu'elles sont comme les prémices et les premières parties des victimes pacifiques qu'ils offrent au Seigneur. Les enfants d'Aaron porteront après sa mort les saints vêtements qui lui auront servi, afin qu'en étant revêtus, ils reçoivent l'onction sainte et que leurs mains soient consacrées au Seigneur. Celui d'entre ses enfants, qui aura été établi pontife en sa place et qui entrera dans le tabernacle du témoignage pour exercer ses fonctions dans le sanctuaire, portera ses vêtements pendant 7 jours. Vous prendrez aussi le bélier, qui sera offert à la consécration du pontife, et vous en ferez cuire la chair dans le lieu saint. Aaron en mangera avec ses enfants. Ils mangeront aussi, à l'entrée du tabernacle du témoignage, les pains qui seront demeurés dans la corbeille. Afin que ce soit un sacrifice qui rende Dieu favorable et que les mains de ceux qui les offrent soient sanctifiées. L'étranger ne mangera point de ces viandes parce qu'elles sont saintes. S'il demeure quelque chose de cette chair consacrée ou de ces pains jusqu'au matin, vous brûlerez au feu tous ces restes. On n'en mangera point parce qu'ils sont sanctifiés. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande touchant à Aaron et ses enfants. Vous consacrerez leurs mains pendant 7 jours. Et vous offrirez chaque jour un veau pour l'expiation du péché. Lorsque vous aurez immolé l'hostie de l'expiation, vous purifierez l'autel et vous y ferez les onctions saintes pour le sanctifier de nouveau. Vous purifierez, sanctifierez l'autel pendant 7 jours et il sera très saint. Quiconque le touchera se sanctifiera auparavant. Voici ce que vous ferez sur l'autel. Vous sacrifierez chaque jour, sans y manquer, 2 agneaux d'un an, un le matin et l'autre le soir. Vous offrirez avec le premier agneau la 10e partie de la plus pure farine de froment, mêlée avec de l'huile d'olive pilée, plein le quart de la mesure appelée hin, et autant de vin pour la libation. Vous offrirez au soir le second agneau comme un sacrifice d'une excellente odeur, d'après le même rite que l'oblation du matin. C'est le sacrifice qui doit être offert au Seigneur par une succession continuée de race en race à l'entrée du tabernacle du témoignage devant le Seigneur, où j'ai résolu de vous parler. C'est de là que je donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël, et l'autel sera sanctifié par la présence de ma gloire. Je sanctifierai aussi le tabernacle du témoignage avec l'autel et Aaron avec ses fils, afin qu'ils exercent les fonctions de mon sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Et ils connaîtront que je suis leur Seigneur et leur Dieu, qui les ai tirés de l'Égypte afin de demeurer au milieu d'eux, moi qui suis leur Seigneur et leur Dieu. Vous ferez aussi un autel de bois de sétim pour y brûler des parfums. Il aura 1 coudée de long et 1 coudée de large, de sorte qu'il soit carré. Il aura 2 coudées de haut et ses cornes lui seront adhérentes. Vous couvrirez d'un or très pur la table de cet autel et les 4 côtés avec ses cornes, et vous y ferez 1 couronne d'or qui régnera tout autour, et 2 anneaux d'or de chaque côté sous la couronne pour y faire entrer les bâtons qui serviront à le porter. Vous ferez aussi les bâtons de bois de sétim et vous les couvrirez d'or. Vous mettrez cet autel vis-à-vis du voile qui est suspendu devant l'arche du témoignage, devant le propitiatoire qui couvre l'arche du témoignage où je vous parlerai. Et Aaron y brûlera de l'encens d'excellente odeur. Il le brûlera le matin lorsqu'il préparera les lampes, et lorsqu'il les allumera au soir, il brûlera encore de l'encens devant le Seigneur. Ce qui s'observera continuellement parmi vous dans la succession de tous les âges. Vous n'offrirez point sur cet autel des parfums d'une autre composition que celle que je vous prescrirai. Vous n'y présenterez point d'oblation ni de victime, et vous n'y ferez aucune libation de liqueur. Aaron priera 1 fois l'an sur les cornes de l'autel en y répandant du sang de l'hostie qui aura été offerte pour le péché, et cette expiation continuera toujours parmi vous de race en race. Ce sera là un culte très saint pour honorer le Seigneur. Le Seigneur parla aussi à Moïse et il lui dit, « Lorsque vous ferez le dénombrement des enfants d'Israël, chacun donnera quelque chose au Seigneur pour le prix de son âme, et ils ne seront point frappés de plaies lorsque ce dénombrement aura été fait. Tous ceux qui seront compris dans ce dénombrement donneront un demi-cycle selon la mesure du temple. Le cycle à 20 oboles. Le demi-cycle sera offert au Seigneur. Celui qui entre dans ce dénombrement, c'est-à-dire qui a 20 ans et au-dessus, donnera ce prix. Le riche ne donnera pas plus d'un demi-cycle, et le pauvre n'en donnera pas moins. Et ayant reçu l'argent qui aura été donné par les enfants d'Israël, vous l'emploierez pour les usages du tabernacle du témoignage, afin que cette oblation porte le Seigneur à se souvenir d'eux et qu'elle serve à l'expiation de leurs âmes. Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit « Vous ferez aussi un bassin d'airain élevé sur une base pour qu'on s'y lave et vous le mettrez entre le tabernacle du témoignage et l'autel. Et après que vous y aurez mis de l'eau, Aaron et ses fils en laveront leurs mains et leurs pieds. Lorsqu'ils devront entrer au tabernacle du témoignage ou quand ils devront approcher de l'autel pour y offrir des parfums au Seigneur, de peur qu'autrement ils ne soient punis de mort. Cette ordonnance subsistera éternellement pour Aaron et pour tous ceux de sa race qui lui doivent succéder. » Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit « Prenez des aromates, le poids de 500 cycles de la première et de la plus excellente myrrhe, la moitié moins de cinnamome, c'est-à-dire le poids de 250 cycles, et de même 250 cycles de la canne aromatique, 500 cycles de cannelle au poids du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Vous ferez de toutes ces choses une huile sainte pour servir aux onctions, un parfum composé selon l'art du parfumeur. Vous en oindrez le tabernacle du témoignage et l'arche du testament, la table avec ses vases, le chandelier et tout ce qui sert à son usage, l'autel des parfums et celui des holocaustes et tout ce qui est nécessaire pour le service et le culte qui s'y doit rendre. Vous sanctifierez toutes ces choses et elles deviendront saintes et sacrées. Celui qui y touchera sera sanctifié. Vous en oindrez à Aaron et ses fils et vous les sanctifierez afin qu'ils exercent les fonctions de mon sacerdoce. Vous direz aussi aux enfants d'Israël « Cette huile qui doit servir aux onctions me sera consacrée parmi vous et parmi les enfants qui naîtront de vous. On n'en oindra point la chair de l'homme, et vous n'en ferez point d'autres de même composition, parce qu'elle est sanctifiée et que vous la considérerez comme sainte. Quiconque en composera de semblables et en donnera à un étranger sera exterminé du milieu de son peuple. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Prenez des aromates du stacté, de l'onyx, du galbanum odoriférant et de l'encens le plus luisant, et que le tout soit de même poids. Vous ferez un parfum composé de toutes ces choses selon l'art du parfumeur, qui, étant mêlé avec soin, sera très pur et très digne de m'être offert. Et lorsque vous les aurez réduites toutes en une poudre très fine, vous en mettrez devant le tabernacle du témoignage, au lieu où je vous apparaîtrai. Ce parfum vous deviendra saint et sacré. Vous n'en composerez point de semblable pour votre usage, parce qu'il est consacré au Seigneur. L'homme, quel qu'il soit, qui en fera de pareil pour en sentir l'odeur, périra au milieu de son peuple. Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit « J'ai appelé nommément Bézéléel, fils d'Uri, qui était fils de Hur de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, je l'ai rempli de sagesse, d'intelligence et de science pour toutes sortes d'ouvrages, pour inventer tout ce que l'art peut faire avec l'or, l'argent, les reins, le marbre, les pierres précieuses et tous les bois divers. Je lui ai donné pour auxiliaire Oholiab, fils d'Akissamec de la tribu de Dan, et j'ai répandu la sagesse dans le cœur de tous les artisans habiles, afin qu'ils fassent tout ce que je vous ai ordonné de faire. Le tabernacle de l'Alliance, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui est au-dessus, et tout ce qui doit servir dans le tabernacle. La table avec ses vases, le chandelier d'or très pur, avec tout ce qui sert à son usage, l'autel des parfums et l'autel des holocaustes avec tous leurs vases, et le bassin avec sa base. Les vêtements saints, destinés au ministère du grand prêtre Aaron et de ses fils, afin qu'ils soient revêtus d'ornements sacrés en exerçant les fonctions de leur sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique qui doit servir au sanctuaire. Ils exécuteront tout ce que je vous ai commandé de faire. » Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit, « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, « Ayez grand soin d'observer mon sabbat, parce que c'est la marque que j'ai établie entre moi et vous et qui doit passer après vous à vos enfants, afin que vous sachiez que c'est moi qui suis le Seigneur qui vous sanctifie. Observez mon sabbat, parce qu'il vous doit être saint. Celui qui l'aura violé sera puni de mort. Si quelqu'un travaille ce jour-là, il périra du milieu de son peuple. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat et le repos consacré au Seigneur. Quiconque travaillera ce jour-là sera puni de mort. Que les enfants d'Israël observent le sabbat et qu'ils le célèbrent d'âge en âge. C'est un pacte éternel entre moi et les enfants d'Israël et une marque qui durera toujours. Car le Seigneur a fait en 6 jours le ciel et la terre et il a cessé d'agir au 7e. Le Seigneur, ayant achevé de parler en ces termes sur la montagne du Sinaï, donna à Moïse les 2 tables du témoignage qui étaient de pierre et écrites du doigt de Dieu. Mais le peuple, voyant que Moïse différait longtemps à descendre de la montagne, s'assembla en s'élevant contre Aaron et lui dit « Venez, faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce qui est de Moïse, cet homme qui nous a tirés de l'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Ôtez les pendants d'oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Le peuple fit ce qu'Aaron lui avait commandé et lui apporta les pendants d'oreilles. Aaron, les ayant pris, les jeta en fonte et il en forma un veau. Alors les Israélites dirent « Voici vos dieux, ô Israël, qui vous ont tirés de l'Égypte. » Ce qu'Aaron ayant vu, il dressa un autel devant le veau et lui fit crier par un héraut « Demain sera la fête solennelle du Seigneur. » S'étant levé de grand matin, ils offrirent des holocaustes et des hosties pacifiques. Tout le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent ensuite pour jouer. Alors le Seigneur parla à Moïse et lui dit « Allez, descendez, car votre peuple que vous avez tiré de l'Égypte a péché. Ils se sont bientôt retirés de la voie que vous leur aviez montrée. Ils se sont fait un veau en fonte, ils l'ont adoré, et lui immolant des victimes, ils ont dit « Ce sont là vos dieux, Israël, qui vous ont tirés de l'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple a la tête dure. Laissez-moi faire, afin que la fureur de mon indignation s'allume contre eux et que je les extermine, et je vous rendrai le chef d'un grand peuple. » Mais Moïse conjurait le Seigneur son Dieu en disant « Seigneur, pourquoi votre fureur s'allume-t-elle contre votre peuple, que vous avez fait sortir de l'Égypte avec une grande force et une main puissante? Ne permettez pas, je vous prie, que les Égyptiens disent « Il les a tirés d'Égypte avec ruse pour les tuer sur les montagnes et pour les exterminer de la terre. Que votre colère s'apaise et laissez-vous fléchir pour pardonner à l'iniquité de votre peuple. Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, vos serviteurs auxquels vous avez juré par vous-même en disant « Je multiplierai votre race comme les étoiles du ciel et je donnerai à votre postérité toute cette terre dont je vous ai parlé et vous la posséderez pour jamais. » Alors le Seigneur s'apaisa, et il résolut de ne point faire à son peuple le mal qu'il lui voulait faire. Moïse revint donc de dessus la montagne, portant en sa main les deux tables du témoignage écrites des deux côtés, qui étaient l'ouvrage du Seigneur, et l'écriture qui était gravée sur ces tables était aussi de la main de Dieu. Or Josué, entendant le tumulte et les cris du peuple, dit à Moïse, « On entend dans le camp comme les cris de personnes qui combattent. » Moïse lui répondit, « Ce n'est point là le cri de personnes qui s'exhortent au combat, ni les voix confuses d'hommes qui s'excitent à prendre la fuite, mais j'entends la voix de personnes qui chantent. » Et s'étant approché du camp, il vit le veau et les danses. Alors, il entra dans une grande colère. Il jeta les tables qu'il tenait à la main et les brisa au pied de la montagne. Et prenant le veau qu'ils avaient fait, il le mit dans le feu et le réduisit en poudre. Il jeta cette poudre dans l'eau et il la fit boire aux enfants d'Israël. Moïse dit ensuite à Aaron, « Que vous a fait ce peuple pour que vous attiriez sur lui un si grand péché ?» Il lui répondit, « Que mon Seigneur ne s'irrite point, car vous connaissez ce peuple et vous savez combien il est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a tirés de l'Égypte. » Je leur ai dit, « Qui d'entre vous a de l'or ?» Ils l'ont apporté, me l'ont donné. Je l'ai jeté dans le feu et ce veau en est sorti. Moïse, voyant donc que le peuple était demeuré tout nu, car Aaron l'avait dépouillé par cette abomination honteuse et l'avait mis tout nu au milieu de ses ennemis, se mit à la porte du camp et dit, « Si quelqu'un est au Seigneur, qu'il se joigne à moi. » Et les enfants de Lévi, s'étant tous assemblés autour de lui, il leur dit, « Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Que chaque homme mette son épée à son côté, passez et repassez au travers du camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami et ses proches. » Les enfants de Lévi firent ce que Moïse avait ordonné, et il y eut environ 23 000 hommes de tués en ce jour-là. Alors Moïse leur dit, « Vous avez chacun consacré vos mains au Seigneur en tuant votre fils et votre frère, afin que la bénédiction de Dieu vous soit donnée. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un très grand péché. Je monterai vers le Seigneur pour voir si je pourrai le fléchir en quelque manière et obtenir le pardon de votre crime. » Et étant retourné vers le Seigneur, il lui dit, « Ce peuple a commis un très grand péché, et ils se sont fait des dieux d'or, mais je vous conjure de leur pardonner leur faute. Ou, si vous ne le faites pas, effacez-moi de votre livre que vous avez écrit. » Le Seigneur lui répondit, « J'effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi. Mais pour vous, allez et conduisez ce peuple au lieu que je vous ai dit. Mon ange marchera devant vous, et au jour de la vengeance, je visiterai et punirai ce péché qu'ils ont commis. » Le Seigneur frappa donc le peuple pour le crime relatif au veau qu'Aaron leur avait fait. Le Seigneur parla ensuite à Moïse et lui dit, « Allez, sortez de ce lieu, vous et votre peuple que vous avez tiré de l'Égypte, et allez en la terre que j'ai promise avec serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je donnerai cette terre à votre race, et j'enverrai un ange pour vous servir de précurseur, afin que j'en chasse les Cananéens, les Amoréens, les Hétéens, les Phérézéens, les Hévéens et les Jébuséens. » Et que vous entriez dans un pays où coule le lait et le miel, car je n'y monterai pas avec vous, de peur que je ne vous extermine pendant le chemin, parce que vous êtes un peuple d'une tête dure. » Le peuple, entendant ces paroles si fâcheuses, se mit à pleurer, et nul d'entre eux ne prit ses ornements accoutumés. Le Seigneur dit à Moïse, « Dites aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple d'une tête dure. « Si je viens une fois au milieu de vous, je vous exterminerai. Quittez donc dès à présent tous vos ornements, afin que je sache de quelle manière j'agirai avec vous. » Les enfants d'Israël quittèrent donc leur ornement au pied de la montagne d'Horeb. Moïse aussi, prenant sa tente, l'adressa bien loin hors du camp et l'appela le tabernacle de l'Alliance. Et tous ceux du peuple qui avaient quelques difficultés sortaient hors du camp pour aller au tabernacle de l'Alliance. Lorsque Moïse sortait pour aller au tabernacle, tout le peuple se levait, et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et regardait Moïse par derrière jusqu'à ce qu'il fût entré dans le tabernacle. Quand Moïse était entré dans le tabernacle de l'Alliance, la colonne de nuée descendait et se tenait à la porte, et le Seigneur parlait avec Moïse. Tous les enfants d'Israël, voyant que la colonne de nuée se tenait à l'entrée du tabernacle, se tenaient eux-mêmes debout à l'entrée de leur tente et y adoraient le Seigneur. Or le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme a coutume de parler à son ami. Et lorsqu'il retournait dans le camp, le jeune Josué, fils de Nun, qui le servait, ne sortait point du tabernacle. Or Moïse dit au Seigneur, « Vous me commandez d'emmener ce peuple et vous ne me dites pas qui vous devez envoyer avec moi. Quoique vous m'ayez dit, je vous connais par votre nom et vous avez trouvé grâce devant moi. Si j'ai donc trouvé grâce devant vous, faites-moi voir votre visage afin que je vous connaisse et que je trouve grâce devant vos yeux. Regardez favorablement cette multitude qui est votre peuple. » Le Seigneur lui dit, « Je marcherai en personne devant vous et je vous procurerai le repos. » Moïse lui dit, « Si vous ne marchez vous-même devant nous, ne nous faites point sortir de ce lieu. Car comment pourrons-nous savoir, moi et votre peuple, que nous avons trouvé grâce devant vous, si vous ne marchez avec nous, afin que nous soyons en honneur et en gloire parmi tous les peuples qui habitent sur la terre ?» Le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai tout ce que vous venez de me demander, car vous avez trouvé grâce devant moi, et je vous connais par votre nom. » Moïse lui dit, « Faites-moi voir votre gloire. » Le Seigneur lui répondit, « Je vous ferai voir toutes sortes de biens, et je prononcerai devant vous le nom du Seigneur. Je ferai miséricorde à qui je voudrai, et j'userai de clémence envers qui il me plaira. » Dieu dit encore, « Vous ne pourrez voir mon visage, car nul homme ne me verra sans mourir. » Il ajouta, « Il y a un endroit, auprès de moi, où vous vous tiendrez sur la pierre. Et lorsque ma gloire passera, je vous mettrai dans l'ouverture de la pierre et je vous couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. J'ôterai ensuite ma main et vous me verrez par derrière, mais vous ne pourrez voir mon visage. » Le Seigneur dit ensuite, « Faites-vous deux tables de pierre qui soient comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les tables que vous avez brisées. Soyez prêts dès le matin pour monter aussitôt sur la montagne du Sinaï, et vous demeurerez avec moi sur le haut de la montagne. Que personne ne monte avec vous, et que nul ne paraisse sur toute la montagne, que les bœufs même et les brebis ne pèsent point vis-à-vis. » Moïse tailla donc deux tables de pierre, telles qu'étaient les premières, et se levant avant le jour, il monta sur la montagne du Sinaï, portant avec lui les tables, selon que le Seigneur le lui avait ordonné. Alors le Seigneur étant descendu au milieu de la nuée, Moïse demeura avec lui, et il invoqua le nom du Seigneur. Et lorsque le Seigneur passait devant Moïse, il dit, « Dominateur souverain, Seigneur Dieu, qui êtes plein de compassion et de clémence, patient, riche en miséricorde et véritable, qui conservez votre miséricorde jusqu'à 1000 générations, qui effacez l'iniquité, les crimes et les péchés, devant lequel nul n'est innocent par lui-même, et qui rendez l'iniquité des pères aux enfants et aux petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » En cet instant, Moïse se prosterna contre terre, et, adorant Dieu, il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant vous, marchez, je vous supplie, avec nous, puisque ce peuple à la tête dure, effacez nos iniquités et nos péchés, et possédez-nous comme votre héritage. » Le Seigneur lui répondit, « Je ferai alliance avec ce peuple à la vue de tout le monde. Je ferai des prodiges qui n'ont jamais été vus sur la terre, ni dans aucune nation, afin que ce peuple au milieu duquel vous êtes considère l'œuvre terrible que doit faire le Seigneur. Gardez toutes les choses que je vous ordonne aujourd'hui. Je chasserai moi-même, devant vous, les Amoréens, les Cananéens, les Hétéens, les Phérézéens, les Évéens et les Jébuséens. Prenez garde de ne jamais faire amitié avec les habitants de ce pays, ce qui causerait votre ruine. Mais détruisez tous leurs autels, brisez leurs statues, coupez leurs bois consacrés à leurs dieux. N'adorez point de dieux étrangers. Le Seigneur s'appelle le Dieu jaloux. Dieu veut être aimé uniquement. Ne faites point d'alliance avec les habitants de ce pays-là, de peur que lorsqu'ils se seront corrompus avec leur Dieu et qu'ils auront adoré leur statue, quelqu'un d'entre eux ne vous invite à manger des viandes qu'il leur aura immolées. Vous ne ferez point épouser leurs filles à vos fils, de peur qu'après qu'elles se seront corrompues elles-mêmes, elles ne portent vos fils à se corrompre aussi comme elles avec leur Dieu. Vous ne vous ferez point de Dieu jeté en fonte. Vous observerez la fête solennelle des pains sans levain. Vous mangerez, 7 jours durant, des pains sans levain, au mois des nouveaux fruits, comme je vous l'ai ordonné, car vous êtes sortis de l'Égypte au mois où commence le printemps. Tout mâle qui sort le premier du sein de sa mère sera à moi. Les premiers de tous les animaux, tant des bœufs que des brebis, seront à moi. Vous rachèterez avec une brebis le premier-né de l'âne. Si vous ne le rachetez point, vous le tuerez. Vous rachèterez le premier-né de vos fils, et vous ne paraîtrez point devant moi les mains vides. Vous travaillerez pendant 6 jours, et le 7e jour, vous cesserez de labourer la terre et de moissonner. Vous célébrerez la fête solennelle des semaines, en offrant des prémices des fruits de la moisson de froment, et vous ferez la fête de la récolte des fruits à la fin de l'année, lorsqu'on les aura tous recueillis. Tous vos enfants mâles se présenteront 3 fois l'année devant le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Car lorsque j'aurai chassé les nations de devant votre face et que j'aurai étendu les limites de votre pays, si vous montez et si vous vous présentez 3 fois l'année devant le Seigneur votre Dieu, nul ne formera des entreprises secrètes contre votre pays. Vous ne m'offrirez point avec du levain le sang de la victime qui m'est immolée. Et il ne restera rien de l'hostie de la fête solennelle de Pâques jusqu'au matin. Vous offrirez les prémices des fruits de votre terre dans la maison du Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Écrivez pour vous ces paroles par lesquelles j'ai fait alliance avec vous et avec Israël. » Moïse demeura donc 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur sur la montagne. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau pendant ce temps, et le Seigneur écrivit sur les tables les 10 paroles de l'Alliance. Après cela, Moïse descendit de la montagne du Sinaï, portant les 2 tables du témoignage, et il ne savait pas que de l'entretien qu'il avait eu avec le Seigneur, il était resté des rayons de lumière sur son visage. Mais Aaron et les enfants d'Israël, voyant que le visage de Moïse jetait des rayons, craignirent d'approcher de lui. Moïse appela donc Aaron et les princes de la synagogue qui revinrent le trouver. Et après qu'il leur eut parlé, tous les enfants d'Israël vinrent aussi vers lui, et il leur prescrivit toutes les choses qu'il avait entendues du Seigneur sur la montagne du Sinaï. Quand il eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsqu'il entrait dans le tabernacle et qu'il parlait avec le Seigneur, il ôtait ce voile jusqu'à ce qu'il en sortît, et il rapportait ensuite aux enfants d'Israël toutes les choses que Dieu lui avait commandé de leur dire. Lorsque Moïse sortait du tabernacle, les Israélites voyaient que son visage jetait des rayons, mais ils le voilaient de nouveau toutes les fois qu'il leur parlait. Moïse, ayant donc assemblé tous les enfants d'Israël, leur dit « Voici les choses que le Seigneur a commandé que l'on fasse. Vous travaillerez pendant 6 jours, et le 7e jour vous serez saints, car il est le sabbat et le repos du Seigneur. Celui qui fera quelque travail en ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans toutes vos maisons au jour du sabbat. » Moïse dit encore à toute l'assemblée des enfants d'Israël « Voici ce que le Seigneur a ordonné. Il a dit « Mettez à part chez vous les prémices de vos biens pour les offrir au Seigneur. Vous les lui offrirez de bon cœur et avec une pleine volonté. L'or, l'argent, l'airain, l'hyacinthe, la pourpre, l'écarlate teinte 2 fois, le fin lin, les poils de chèvre, les peaux de mouton teintes en rouge, des peaux violettes, des bois de sétim, de l'huile, pour entretenir les lampes et pour composer des onctions et des parfums d'excellente odeur, les pierres d'onyx et les pierres précieuses pour orner l'éphod et le rational. Quiconque parmi vous est habile à travailler, qu'il vienne pour faire ce que le Seigneur a commandé, savoir le tabernacle avec son toit et sa couverture, les anneaux, les ais et les barres, les pieux et les bases, l'arche avec les bâtons pour la porter, le propitiatoire et le voile qui doit être suspendu devant l'arche. La table avec les bâtons pour la porter, et ses vases, et les pains qu'on expose devant le Seigneur. Le chandelier qui doit soutenir les lampes, tout ce qui sert à son usage, les lampes et l'huile pour entretenir le feu. L'autel des parfums, avec les bâtons pour le porter. L'huile pour faire les onctions, le parfum composé d'aromates, le voile suspendu à l'entrée du tabernacle. L'autel des holocaustes, sa grille d'airain avec ses bâtons pour le porter, et tout ce qui sert à son usage, le bassin avec sa base, les rideaux du parvis avec leurs colonnes et leurs bases, et le voile de l'entrée du vestibule, les pieux du tabernacle et du parvis avec leurs cordes, les vêtements qui doivent être employés au culte du sanctuaire et les ornements destinés au pontife Aaron et à ses fils, afin qu'ils exercent les fonctions de mon sacerdoce. Après que tous les enfants d'Israël furent partis de devant Moïse, ils offrirent au Seigneur avec une volonté prompte et pleine d'affection les prémices de leurs biens pour tout ce qu'il y avait à faire au tabernacle du témoignage et pour tout ce qui était nécessaire pour le culte sacré et pour les ornements sacerdotaux. Les hommes avec les femmes donnèrent leurs chaînes, leurs pendants d'oreilles, leurs bagues et leurs bracelets. Tous les vases d'or furent mis à part pour être présentés au Seigneur. Ceux qui avaient de l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate teinte 2 fois, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de mouton teintes en rouge, des peaux violettes, de l'argent et de l'airain, les offrirent au Seigneur avec des bois de sétim pour les employer à divers usages. Les femmes qui étaient habiles donnèrent aussi ce qu'elles avaient filé d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de fin lin, et de poils de chèvre, et donnèrent tout de grand cœur. Les princes offrirent des pierres d'onyx et des pierres précieuses pour l'éphod et le rational, des aromates et de l'huile pour entretenir les lampes et pour préparer l'huile d'onction et composer le parfum d'excellente odeur. Tous les hommes et toutes les femmes firent leurs offrandes de bon cœur pour faire les ouvrages que le Seigneur avait ordonnés par Moïse. Tous les enfants d'Israël firent ces offrandes au Seigneur avec une pleine volonté. Alors Moïse dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur a appelé Bézéléel, fils d'Uri, qui était fils de Hur, de la tribu de Juda. Et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de science et d'une parfaite connaissance, pour inventer et pour exécuter tout ce qui se peut faire en or, en argent et en airain, pour tailler et graver les pierres et pour tous les ouvrages d'art. Il lui a mis dans l'esprit tout ce que l'art peut inventer, il lui a associé Oliab, fils d'Akisamec, de la tribu de Dan. Il les a remplis, tous deux, de sagesse, pour faire tous les ouvrages qui se peuvent faire en bois, en étoffes de différentes couleurs et en broderie, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate peinte 2 fois et de fin lin, afin qu'ils travaillent à tout ce qui se fait avec la tissure et qu'ils fassent toutes sortes d'inventions nouvelles. Bézéléel travailla donc à tous ses ouvrages avec Oliab et tous les hommes habiles à qui le Seigneur avait donné la sagesse et l'intelligence, afin qu'ils sussent faire excellemment ce qui était nécessaire pour l'usage du sanctuaire et tout ce que le Seigneur avait ordonné. Or Moïse, les ayant fait venir avec tous les hommes habiles auxquels le Seigneur avait donné la sagesse et ceux qui s'étaient offerts d'eux-mêmes pour travailler à cet ouvrage, il leur mit entre les mains toutes les offrandes des enfants d'Israël. Et comme ils s'appliquaient à avancer cet ouvrage, le peuple offrait encore tous les jours au matin de nouveaux dons. C'est pourquoi les ouvriers furent obligés de venir dire à Moïse « Le peuple offre plus qu'il n'est nécessaire ». Moïse commanda donc qu'on fît cette déclaration publiquement par la voix d'un héros. « Que nul homme et nulle femme n'offre plus rien à l'avenir pour les ouvrages du sanctuaire ». Ainsi on cessa d'offrir des présents à Dieu parce que ce qu'on avait déjà offert suffisait et qu'il y en avait même plus qu'il n'en fallait. Tous ces hommes, dont le cœur était rempli de sagesse pour travailler aux ouvrages du tabernacle, firent donc 10 rideaux de fin lin retors d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate teintes 2 fois, le tout en broderie d'un ouvrage excellent de différentes couleurs. Chaque rideau avait 28 coudées de long et 4 de large, et tous les rideaux étaient d'une même mesure. 5 de ces rideaux tenaient l'un à l'autre, et les 5 autres étaient de même joints ensemble. L'un des rideaux avait des cordons d'hyacinthe sur le bord des 2 côtés, et l'autre rideau avait de même des cordons au bord, afin que les cordons se trouvant vis-à-vis l'un de l'autre, les rideaux fussent joints ensemble. C'est pourquoi ils firent aussi fondre 50 anneaux d'or où se pussent attacher les cordons des rideaux, afin qu'il ne s'en fît qu'une seule tenture. Ils firent aussi 11 couvertures de poils de chèvre pour servir de couverture et de toit au tabernacle. Chacun de ces couvertures avait 30 coudées de long et 4 de large, et elles étaient toutes de même mesure. Ils en joignirent 5 ensemble et les 6 autres séparément. Ils firent aussi 50 cordons au bout de l'une des couvertures et 50 au bord de l'autre, afin qu'elles fussent jointes ensemble. Ils firent encore 50 boucles d'airain pour les tenir attachées, afin qu'il ne s'en fît qu'un toit et qu'une seule couverture. Ils firent de plus une 3e couverture du tabernacle, 2 peaux de mouton teintes en rouge, et par-dessus encore une 4e de peaux teintes en bleu céleste. Ils firent aussi des haies de bois de sétim pour le tabernacle plantées debout. Chacun de ces haies avait 10 coudées de long et 1,5 coudées de large. Chaque haie avait un tenon et une mortaise afin qu'ils entrassent l'un dans l'autre. Tous les haies du tabernacle étaient faits de cette sorte. Or, il y en avait 20 du côté méridional qui regarde le midi, avec 40 bases d'argent. Chaque haie était portée sur 2 bases de chaque côté des angles, à l'endroit où l'enchâssure des côtés se termine dans les angles. Ils firent aussi, pour le côté du tabernacle qui regardait l'aquilon, 20 haies, avec 40 bases d'argent, 2 bases pour chaque haie. Mais pour le côté du tabernacle, qui est à l'occident et qui regarde la mer, ils ne firent que 6 haies, et 2 autres qui étaient dressées aux angles du fond du tabernacle. Ils étaient joints depuis le bas jusqu'au haut et ne composaient qu'un corps tous ensemble. Ils gardèrent cette disposition dans les angles des 2 côtés. Il y avait 8 haies en tout, qui avaient 16 bases d'argent, 2 bases pour chaque haie. Ils firent aussi de grandes barres de bois de sétim, 5 pour traverser et tenir ensemble tous les haies d'un des côtés du tabernacle. 5 autres pour traverser et tenir ensemble les haies de l'autre côté. Et outre celles-là, 5 autres encore pour le côté du tabernacle qui est à l'occident et qui regarde la mer. Ils firent aussi une autre barre qui passait par le milieu des haies depuis une extrémité jusqu'à l'autre. Ils couvrirent de lames d'or, tous ces haies soutenues par des bases d'argent qui avaient été jetées en fonte. Ils y mirent de plus des anneaux d'or pour y faire entrer des barres de bois qu'ils couvrirent aussi de lames d'or. Ils firent un voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, de fin lin retors, le tout en broderie et d'un ouvrage admirable par son excellente variété. Ils firent 4 colonnes de bois de sétim qu'ils couvrirent de lames d'or avec leurs chapiteaux. Leur base était d'argent. Ils firent encore, pour l'entrée du tabernacle, le voile qui était d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, de fin lin retors, le tout en broderie. Ils firent aussi 5 colonnes avec leurs chapiteaux, ils les couvrirent d'or, et leurs bases furent jetées en fonte et faites d'airain. Bézaléel fit aussi l'arche de bois de Sétim. Elle avait 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de haut. Il la couvrit d'un or très pur au dedans et au dehors, et il fit une couronne d'or qui régnait tout autour. Il fit jeter en fonte 4 anneaux d'or qu'il mit aux 4 coins de l'arche, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Il fit aussi des bâtons de bois de Sétim qu'il couvrit d'or. Et il les fit entrer dans les anneaux qui étaient aux côtés de l'arche pour la porter. Il fit encore le propitiatoire, c'est-à-dire l'oracle, d'un or très pur. Il avait 2 coudées et demie de long et 1 coudée et demie de large. Comme aussi 2 chérubins d'or battu qu'il mit aux 2 côtés du propitiatoire, un chérubin à l'extrémité d'un des 2 côtés et l'autre chérubin à l'extrémité de l'autre côté. Ainsi, chacun des 2 chérubins était à 1 des extrémités du propitiatoire. Ils étendaient leurs ailes, dont ils couvraient le propitiatoire, et ils se regardaient l'un l'autre, aussi bien que le propitiatoire. Il fit encore une table de bois de Sétim, qui avait 2 coudées de long, 1 coudée de large et 1 coudée et demie de haut. Il la couvrit d'un or très pur, et il fit tout autour une bordure d'or, et sur la bordure, une couronne d'or de sculpture à jour, haute de 4 doigts, et il mit encore au-dessus une autre couronne d'or. Il fit fondre aussi 4 anneaux d'or qu'il mit aux 4 coins de la table, 1 à chaque pied, au-dessous de la couronne, et il y fit passer les bâtons afin qu'ils servissent à porter la table. Les bâtons qu'il fit étaient de bois de Sétim, et il les couvrit de lames d'or. Pour les différents usages de cette table, il fit des plats d'un or très pur, des coupes, des encensoirs et des tasses pour servir aux libations. Il fit aussi le chandelier de l'or le plus pur, battu au marteau. Il y avait des branches, des coupes, des pommes et des lys qui sortaient de sa tige. 6 branches sortaient des 2 côtés de sa tige, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Il y avait 3 coupes en forme de noix, avec des pommes et des lys en l'une des branches, et de même 3 coupes en forme de noix, avec des pommes et des lys en l'autre branche. Et toutes les 6 branches qui sortaient de la tige étaient travaillées de même. Mais la tige du chandelier avait 4 coupes en forme de noix, accompagnées chacune de sa pomme et de son lys. Il y avait 3 pommes en 3 endroits de la tige, et de chaque pomme sortaient 2 branches, qui faisaient en tout 6 branches naissant d'une même tige. Ces pommes et ces branches sortaient donc du chandelier, étant toutes d'un or très pur battu au marteau. Il fit aussi d'un or très pur 7 lampes avec leurs mouchettes et les vases destinés pour y éteindre ce qui avait été mouché des lampes. Le chandelier, avec tout ce qui servait à son usage, pesait 1 talent d'or. Il fit encore l'autel des parfums de bois de Sétim, qui avait 1 coudée en carré et 2 coudées de haut, et d'où sortaient 4 cornes aux 4 angles. Il le couvrit d'un or très pur avec sa grille, ses 4 côtés et ses 4 cornes. Il fit 1 couronne d'or qui régnait tout autour, et il y avait des 2 côtés, au-dessous de la couronne, 2 anneaux d'or pour y faire entrer les bâtons qui devaient servir à porter l'autel. Il fit ses bâtons de bois de Sétim et les couvrit de lames d'or. Il composa aussi l'huile pour en faire les onctions de consécration et les parfums composés d'aromates très exquis selon l'art des plus habiles parfumeurs. Bézaléel fit aussi l'autel des holocaustes de bois de Sétim. Il avait 5 coudées en carré et 3 de haut. 4 cornes s'élevaient de ses 4 coins, et il le couvrit de lames d'airain. Il fit d'airain divers objets pour l'usage de cet autel, des chaudières, des tenailles, des pincettes, des crocs et des brasiers. Une grille d'airain en forme de raie et au-dessous un foyer au milieu de l'autel. Il jeta en fonte 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de cette grille pour y passer des bâtons qui pussent servir à porter l'autel. Il fit aussi ses bâtons de bois de Sétim. Il les couvrit de lames d'airain et les fit passer dans les anneaux qui sortaient des côtés de l'autel. Or, l'autel n'était pas solide, mais il était composé d'ais étant creux et vides au-dedans. Il fit encore un bassin d'airain et sa base avec les miroirs des femmes qui veillaient à la porte du tabernacle. Il fit aussi le parvis. Aux côtés du midi, il y avait des rideaux de fin lin retors, dans l'espace de 100 coudées. Il y avait 20 colonnes d'airain avec leur base, et les chapiteaux de ces colonnes, avec tous leurs ornements, étaient d'argent. Du côté du septentrion, il y avait des rideaux qui tenaient le même espace. Les colonnes, avec leur base et leurs chapiteaux, étaient de même mesure, de même métal, et travaillaient de même. Mais au côté du parvis qui regardait l'Occident, les rideaux ne s'étendaient que dans l'espace de 50 coudées. Il y avait seulement 10 colonnes d'airain avec leur base, et les chapiteaux des colonnes, avec tous leurs ornements, étaient d'argent. Du côté de l'Orient, il mit de même des rideaux qui occupaient 50 coudées de long, dont il y avait 15 coudées d'un côté avec 3 colonnes et leur base, et 15 coudées aussi de l'autre côté avec les rideaux, 3 colonnes et leur base. Car au milieu, entre les deux, il fit l'entrée du tabernacle. Tous ces rideaux du parvis étaient tissus de fin lin retors. La base des colonnes était d'airain. Leurs chapiteaux, avec tous leurs ornements, étaient d'argent. Et il couvrit les colonnes mêmes du parvis de lames d'argent. Il fit le grand voile qui était à l'entrée du parvis d'un ouvrage de broderie d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de fin lin retors. Il avait 20 coudées de long et 5 coudées de haut, selon la hauteur de tous les rideaux du parvis. Il y avait 4 colonnes à l'entrée du tabernacle avec leur base d'airain, et leurs chapiteaux ainsi que leurs ornements étaient d'argent. Il fit aussi des pieux d'airain pour mettre tout autour du tabernacle et du parvis. Ce sont là toutes les parties qui composaient le tabernacle du témoignage que Moïse commanda à Ithamar, fils d'Aaron le grand prêtre, de donner par compte aux Lévites, afin qu'ils en fussent chargés. Bézéléel, fils d'Uri, qui était fils de Hur, de la tribu de Juda, acheva tout l'ouvrage, selon l'ordre que le Seigneur en avait donné par la bouche de Moïse. Il eut pour compagnon Oholiab, fils d'Akissamec, de la tribu de Dan, qui savait aussi travailler excellemment en bois, en étoffes tissées de fils de différentes couleurs, et en broderies d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de fin lin. Tout l'or qui fut employé pour les ouvrages du sanctuaire et qui fut offert à Dieu dans les dons volontaires du peuple était de 29 talents et de 730 sicles selon la mesure du sanctuaire. Ces oblations furent faites par ceux qui entrèrent dans le dénombrement ayant 20 ans et au-dessus et qui étaient au nombre de 603 550 hommes portant les armes. Il y eut de plus 100 talents d'argent dont furent faites les bases du sanctuaire et l'entrée où le voile était suspendu. Il fit 100 bases de 100 talents. Chaque base était d'un talent. Il employa 1775 sicles d'argent au chapiteau des colonnes, et il revêtit ces mêmes colonnes de lames d'argent. On offrit aussi 70 talents d'airain et 2400 sicles qui furent employés à faire les bases à l'entrée du tabernacle du témoignage et l'autel d'airain avec sa grille et tous les vases qui devaient servir à son usage, et les bases du parvis qui étaient tout autour et à l'entrée, avec les pieux qui s'employaient autour du tabernacle et du parvis. Bézéléel fit aussi d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de fin lin les vêtements dont Aaron devait être revêtu dans son ministère saint, selon l'ordre que Moïse en avait reçu du Seigneur. Il fit donc l'éphod d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, teinte de foie et de fin lin retors, le tout étant d'un ouvrage tissé de différentes couleurs. Il coupa des feuilles d'or fort minces, qu'il réduisit en fils d'or, pour les faire entrer dans le tissu de ses autres fils de plusieurs couleurs. Les deux côtés de l'éphod se venaient joindre au bord de l'extrémité d'en haut. Et il fit la ceinture du mélange des mêmes couleurs, selon l'ordre que Moïse en avait reçu du Seigneur. Il tailla deux pierres d'onyx, qu'il enchâssa dans de l'or, sur lesquelles les noms des enfants d'Israël furent écrits selon l'art du lapidaire. Il les mit aux deux côtés de l'éphod, comme un monument pour les enfants d'Israël, selon que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il fit le rational, tissé du même mélange de fils que l'éphod, d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, teinte de foie et de fin lin retors. Sa forme était carrée, l'étoffe double, la longueur et la largeur de la mesure d'un palme. Il mit dessus quatre rangs de pierres précieuses. Au premier rang, il y avait la sardoine, la topaze et l'émeraude. Au second, l'escarboucle, le saphir et le jaspe. Au troisième, le ligure, l'agate et l'améthyste. Au quatrième, la chrysolite, l'onyx et le béryl. Et il les enchâssa dans l'or, chacune à son rang. Les noms des 12 tribus d'Israël étaient gravés sur ces 12 pierres précieuses, chaque nom sur chaque pierre. Ils firent au rational deux petites chaînes d'un or très pur, dont les chaînons étaient enlacés l'un dans l'autre, deux agrafes et autant d'anneaux d'or. Ils mirent les anneaux aux deux côtés du rational, et ils y suspendirent les deux chaînes d'or qu'ils attachèrent aux agrafes qui sortaient des angles de l'éphod. Tout cela se rapportait si juste devant et derrière que l'éphod et le rational demeuraient liés l'un avec l'autre, étant resserrés vers la ceinture et liés étroitement par des anneaux dans lesquels était passé un ruban d'hyacinthe afin qu'ils ne fussent point lâches et qu'ils ne pussent s'écarter l'un de l'autre selon que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils firent aussi la tunique de l'éphod toute d'hyacinthe. Il y avait, en haut, une ouverture au milieu et un rebord tissé autour de cette ouverture. Au bas de la robe, vers les pieds, il y avait des grenades faites d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de fin lin retors, et des sonnettes d'un or très pur qu'ils entremêlèrent avec les grenades tout autour du bas de la robe. Les sonnettes d'or et les grenades étaient ainsi entremêlées et le pontife était revêtu de cet ornement lorsqu'il faisait les fonctions de son ministère selon que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils firent encore pour Aaron et pour ses fils des tuniques tissées de fin lin, des mitres de fin lin avec leurs petites couronnes et des caleçons qui étaient de fin lin avec une ceinture d'un mélange de fils différents d'un fin lin retors, d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate teinte de foie, selon que le Seigneur l'avait ordonné. Ils firent la lame sacrée et digne de vénération d'un or très pur. Et ils y gravèrent, en la manière qu'on écrit sur les pierres précieuses, « La sainteté est au Seigneur ». Ils l'attachèrent à la mitre avec un ruban d'hyacinthe, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi, tout l'ouvrage du tabernacle et de la tente du témoignage fut achevé. Les enfants d'Israël firent tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Ils offrirent le tabernacle avec sa couverture et tout ce qui servait à son usage, les anneaux, les ais, les bâtons, les colonnes avec leur base, la couverture de peau de mouton teinte en rouge et l'autre couverture de peau violette, le voile, l'arche, les bâtons pour la porter, le propitiatoire, la table avec ses vases et les pains toujours exposés devant le Seigneur, le chandelier, les lampes et tout ce qui y devait servir, avec l'huile, l'autel d'or, l'huile destinée aux onctions, les parfums composés d'aromates et le voile à l'entrée du tabernacle. L'autel d'airain avec la grille, les bâtons pour le porter et toutes les choses qui y servaient. Le bassin avec sa base, les rideaux du parvis et les colonnes avec leur base, le voile à l'entrée du parvis, ses cordons et ses pieux. Il ne manqua rien de tout ce que Dieu avait ordonné de faire pour le ministère du tabernacle et pour la tente de l'Alliance. Les enfants d'Israël offrirent aussi les vêtements dont les prêtres, Aaron et ses fils, devaient se servir dans le sanctuaire, selon que le Seigneur l'avait ordonné. Et Moïse, voyant que toutes ces choses étaient achevées, les bénit. Le Seigneur parla ensuite à Moïse et lui dit « Vous dresserez le tabernacle du témoignage au premier jour du premier mois. Vous y mettrez l'arche et vous suspendrez le voile par devant. Vous apporterez la table et vous y mettrez dessus ce que je vous ai commandé, selon l'ordre qui vous a été prescrit. Vous placerez le chandelier avec ses lampes et l'autel d'or sur lequel se brûle l'encens devant l'arche du témoignage. Vous mettrez le voile à l'entrée du tabernacle et au devant du voile, l'autel des holocaustes. Le bassin que vous remplirez d'eau sera entre l'autel et le tabernacle. Vous entourerez de rideaux le parvis et son entrée. Et prenant l'huile d'onction, vous en oindrez le tabernacle avec ses vases afin qu'il soit sanctifié. L'autel des holocaustes et tous ses vases, le bassin avec sa base, vous consacrerez toutes choses avec l'huile destinée aux onctions, afin qu'elles soient saintes et sacrées. Vous ferez venir Aaron et ses fils à l'entrée du tabernacle du témoignage, et, les ayant fait laver dans l'eau, vous les revêtirez des vêtements saints, afin qu'ils me servent, et que leur onction passe pour jamais dans tous les prêtres qui leur succéderont. Et Moïse fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé. Ainsi, le tabernacle fut dressé le premier jour du premier mois de la seconde année. Moïse, l'ayant dressé, mit les ais avec les bases et les barres de bois, et il posa les colonnes. Il étendit le toit au-dessus du tabernacle et mit dessus la couverture, selon que le Seigneur le lui avait commandé. Il mit le témoignage dans l'arche, et au-dessous, des deux côtés, les bâtons pour la porter, et l'oracle tout au-dessus. Et ayant porté l'arche dans le tabernacle, il suspendit le voile par devant pour accomplir le commandement du Seigneur. Il mit la table dans le tabernacle du témoignage, du côté du septentrion, hors du voile, et il plaça dessus en ordre, devant le Seigneur, les pains qui devaient être toujours exposés, selon que le Seigneur le lui avait commandé. Il mit aussi le chandelier dans le tabernacle du témoignage, du côté du midi, vis-à-vis de la table, et il y disposa les lampes selon leur rang, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il mit encore l'autel d'or sous la tente du témoignage devant le voile, et il brûla dessus l'encens composé d'aromates, selon que le Seigneur le lui avait commandé. Il mit aussi le voile à l'entrée du tabernacle du témoignage, et dans le vestibule du témoignage, l'autel de l'holocauste, sur lequel il offrit l'holocauste et les sacrifices, selon que le Seigneur l'avait commandé. Il posa aussi le bassin entre le tabernacle du témoignage et l'autel, et il le remplit d'eau. Moïse et Aaron et ses fils y lavèrent leurs mains et leurs pieds avant d'entrer dans le tabernacle de l'Alliance et de s'approcher de l'autel, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il dressa aussi le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le voile à l'entrée. Après que toutes choses eurent été achevées, la nuée couvrit le tabernacle du témoignage et il fut rempli de la gloire du Seigneur. Et Moïse ne pouvait entrer dans la tente de l'Alliance parce que la nuée couvrait tout et que la majesté du Seigneur éclatait de toutes parts, tout étant couvert de cette nuée. Quand la nuée se retirait du tabernacle, les enfants d'Israël partaient par diverses troupes. Si elle s'arrêtait au-dessus, ils demeuraient dans le même lieu, car la nuée du Seigneur se reposait sur le tabernacle durant le jour, et une flamme y paraissait pendant la nuit, tout Israël la voyant dans toutes ses étapes.